bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce 9e épisode de Podcastination. On a compté juste avant de commencer l'enregistrement. En ce début d'année 2015, nous allons nous intéresser... Alors, avant tout, je vais vous souhaiter à tous, à toutes et à toutes, une excellente année 2015. J'espère que ça se passe bien et tout ça, tout ça. Et nous, du coup, on va s'intéresser... Alors, on va faire un bilan de ce qui est sorti en termes d'animation en 2014, notamment au cinéma, et puis on parlera aussi rapidement des séries qui nous ont marqué sur cette même année. On reviendra ensuite sur les sorties 2015 qui sont assez nombreuses et très intéressantes. On va le voir ça va commencer d'ailleurs dès janvier-février. Il va déjà y avoir une grosse partie une grande partie des films dont l'on va vous parler, qui sortiront à ce moment-là au cinéma. Alors évidemment, pour vous parler de tout ça, pour caser la rubrique news et les différentes chroniques qui arrivent après, j'ai bien évidemment le plaisir d'accueillir Chronos. Bonsoir Chronos. Bonsoir et bonne année. Prêt pour cette année 2015 qui a l'air assez chargée. Ça a l'air assez chargé, ouais, effectivement. Ça a l'air pas mal du tout. En plus pour toi aussi bien personnellement que professionnellement parlant, quoi. Donc, ah, tout à fait. C'est cool. Beaucoup de bonnes choses. Évidemment, nous ne sommes pas que tous les deux, nous sommes également avec Toon. Bonsoir Toon. Salut, bonne année à tout le monde. Bon, en espérant évidemment que cette année soit bonne et qu'elle commence mieux que le mois de janvier qui est quand même assez pérave et assez pourri dans son ensemble, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Il y a quand même un Ghibli, hein. Quand même le préciser. Pardon ? Il y a quand même eu un Ghibli déjà. C'est vrai, que beaucoup ont déjà oublié au moment où on vous parle par rapport aux chiffres qui sont assez pas désastreux, mais catastrophiques, voilà. C'est mieux comme ça. Ah, et bien voilà, on va pouvoir commencer, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, je me répète, avec la partie news. Tu veux pas qu'on rentre dans le vif du sujet d'abord ? Si, rentrons dans le vif du sujet. Tous ensemble, tous les trois. Parce que j'ai besoin de tout le monde là. Ça a l'air difficile. Je ne pourrais pas faire ça tout seul. Surtout que je n'ai pas choisi les news. Et j'imagine que vous avez fait ça avec beaucoup de... Avec amour. Avec amour et professionnalisme surtout. C'est moins sûr. Donc, puisque tu prends la parole, puisque tu fais le malin... Tu vas nous parler d'ADN et du piratage. Ouais, ADN, donc Anime Digital Network, la plateforme de distribution, enfin de VOD d'animation. Regroupant les licences Kana, Home Video et Kazé. C'est ça. Et donc ils ont lancé une initiative, donc ils ont une page. Avec une infographie expliquant en gros comment se fait la production, enfin pas la production justement, ils évitent un peu cette partie-là, mais l'achat d'une licence animée en France, la traduction, enfin tout le cheminement jusqu'à la diffusion, et ils comparent au cheminement du piratage pour en gros expliquer que il y a des frais, ça se fait pas d'un coup comme ça, il y a des étapes à valider, etc. Et ça fait partie d'une initiative globale de la plateforme pour un peu lutter contre le piratage et sensibiliser justement à cette notion de c'est pas gratuit de faire un animé et ça serait bien de participer un peu aux frais, quoi. Et du coup, donc c'est vraiment le début d'une initiative, parce qu'ils ont déjà annoncé quelques petites choses qu'ils veulent mettre en place, notamment, et là, je trouve ça assez couillu de faire ça, et je sais pas trop quoi en penser, en fait, c'est qu'ils veulent mettre en place un système qui permettrait à des teams de fansub de faire leur sous-titrage d'animé via une interface sur le site qui permettrait de mettre leurs propres sous-titres sur les images diffusé par ADN. Et pouvoir choisir du coup entre les différentes. Voilà, entre les sous-titres officiels faits par Kazé et Kana, etc. Et les sous-titres des fansubs, enfin des teams de fansubs. Donc je trouve ça vraiment couillu. Je pense que ça va amener des trucs très drôles, des parodies, des trucs comme ça, qui peuvent être très sympas. Après, je sais pas vraiment quoi en penser comment dire, l'intérêt réel de la chose. Je sais pas comment vont l'accueillir les fansubs et si ça va réellement faire quelque chose contre le piratage, mais en tout cas, ils proposent quelque chose et c'est vraiment pas mal, quoi. Idiot même, c'est plutôt intelligent. Alors oui, pour rebondir juste sur ce que tu disais par rapport au piratage, j'ai encore vu cette semaine, bon, sur Twitter notamment, par rapport à un utilisateur de Wakanim, même pas, j'aime pas s'il utilisait Wakanim, il comprenait pas pourquoi, bon, il disait OK, je veux bien que vous sortiez les coffrets physiquement dans le commerce, mais laissez-nous télécharger gratuitement les animés, quoi. Bah Pourquoi est-ce que vous oui, bloquez? normal. Donc il y a encore il y a un manque de pédagogie. Est-ce qu'on est, on va dire, on est sur des générations aussi qui ont connu Internet, bah nous d'ailleurs aussi, mais Internet n'avait pas autant de place qu'aujourd'hui, où Internet est gratuit en tout cas. Ouais, Internet est le... gratuit entre guillemets. C'est-à-dire Bah qu'on a, si, est gratuit, même au niveau de l'information, on est oui, habitué à consommer gratuitement, exactement, alors que sans c'est pas un rémunérer. modèle, voilà. C'est pas un abonnement, Mais c'est pas c'est un. là, c'est clairement un problème d'éducation, et enfin d'éducation. Ouais, globalement, c'est que les gens sont pas ne savent plus ce que c'est le droit d'auteur. Ils savent pas, ils se rendent pas compte de ce que peut coûter la fabrication d'un animé, de ce que peut coûter une licence, le travail qu'il y a sur cette licence, etc. Donc, Exactement. je trouve l'initiative d'ADN est pas mal. Après, le problème, c'est que les mecs qui vont sur les sites des teams de fansub, ils vont pas aller chercher la fac d'ADN sur leur site, quoi. Le problème, il est là, c'est que c'est pas sur leur site qu'il faut travailler, même si c'est une bonne initiative et qu'il faut quand même le faire, mais si on veut qu'il y ait une prise de conscience, etc., faut aller plus loin et c'est une réflexion plus globale. Mais déjà, il y a quelque chose, ils tentent quelque chose et c'est pas mal. Et cet outil dont il parlait de faire ses propres sous-titres, etc. Je trouve c'est en soi c'est une bonne idée, notamment bah, comme je le disais. Je pense que ça va apporter énormément de parodies et tout, et rien que pour ça, ça peut être génial. Très bien. Alors, je passais la parole à Chronos, qui évidemment a toujours de mauvaises nouvelles à nous annoncer, en tout cas une Oui, partie. tout à fait, oui. Notamment des licenciements chez DreamWorks. Ouais, alors oui, parce qu'il y a déjà eu une vague de licenciements il y a 1 ou 2 ans, quand il y avait eu le film Les 5 légendes qui avait fait un petit four. Et là, cette année, c'est rebelote avec Peabody and Sherman et Penguin de Madagascar qui n'ont pas super bien marché. Et malheureusement, ça a ajouté 500 licenciements chez DreamWorks en plus. Ils ont aussi dû fermer une sorte de petite société qui s'est associée à DreamWorks depuis un moment qui s'appelle PDI. À l'époque, en fait, ils faisaient juste de la publicité ou des choses comme ça, et ils ont commencé à s'associer avec DreamWorks pour faire Fourmeet. Et du coup, DreamWorks avait racheté la société, donc ils participaient pas mal au film dans les années suivantes, et du coup là pour justement essayer d'économiser au maximum, ils ont carrément fermé la boîte. Donc voilà, ça a un peu chamboulé tout leur planning, donc ils ont un peu modifié leur planning avec une nouvelle stratégie pour essayer de limiter les dégâts. En gros, ça va faire que dans les années à venir, on aura chaque année 2 films par an au lieu de 3. Il y aura une suite d'une licence connue comme Dragon, Kung Fu Panda ou Les Croods, et un nouveau film d'une licence pas connue, justement, qui va être produit. Ça va essayer de limiter les dégâts, en espérant que ça marche. Et petite news aussi, c'est qu'ils ont demandé à Micros Montréal qui est une filière de Micros qui avait déjà réalisé Astérix cette année, le Et génial Astérix. qui bosse et Ça commence. qui bosse sur Moon aussi, Ils bossent qui sur Moon, ouais. sortira Ils dans ont pas mal l'année. de projets long métrage et là ils vont adapter la licence Captain Underpants parce que Dreamworks cherchait justement une sorte de une petite boîte enfin une boîte européenne en fait pour faire un long métrage avec un budget un peu plus raisonnable et du coup c'est eux qui vont s'en charger. C'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, c'est pas cool pour les licenciements Non, oui. mais c'est pas mal pour Micros du coup. Ouais. Tout à fait. Alors pour terminer sur les news, justement, on en reparlera aussi à la fin du podcast concernant donc c'est l'actualité du musée Art Ludique. Donc en ce moment, évidemment, il y a l'exposition sur les layouts du studio Ghibli, pardon, des productions notamment de Miyazaki et de Takahata. Il se termine en mars, je crois. Tout à fait. Et du C'est coup, ça. on a eu l'information de quelle expo prend le relais quelle expo, pardon, prend le relais de cette exposition-là. Et c'est une expo sur le studio Artman, donc qui se tiendra du 21 mars au 30 août. Et qui est apparemment une création art ludique, Ah ce qui n'est ouais. pas le cas de l'Expo Ghibli ou Marvel qu'il y avait eu précédemment. Ah, c'est vraiment une création Et originale, c'est eux qui font apparemment, ouais, leur principe. c'est vraiment une création du musée. Ah, c'est chouette ça. Donc c'est une bonne chose, et puis ça va être sympa aussi du coup, parce qu'on passe... Il y a vraiment après voilà, tous les types d'animation, là il y aura on a déjà eu la 3D, on a déjà eu... Bon, il y a eu les comics aussi, il y a eu la 2D avec les films du studio Ghibli, pardon, et du coup l'animation en volume... Hein. Donc c'est assez intéressant, mais je me dis qu'après ça a commencé à être compliqué d'avoir d'autres sujets, Ouais, d'avoir tu toujours des choses. rigoles, il y en a plein. Il y a plein de trucs à faire, je pense. Mais Ouais, oui, c'est sûr, là, mais c'est vrai que c'est ce que c'est tu le plus dis. gros, C'est quoi. pas mal parce que ça, en quatre expos, on a vu trois types d'animations très très différentes avec Pixar, Ghibli et Aardman. Et puis il y a eu une partie comics avec Marvel où l'expo apparemment était très très bonne aussi. Ouais, ils touchent un peu à tout et c'est vraiment pas mal. Et en plus, c'est un musée qui commence à avoir une certaine renommée, j'ai l'impression. Si ça peut amener les gens à découvrir l'animation d'un point de vue un peu plus technique, ça peut être pas mal aussi, quoi. Ouais, puis voir les comment dire, ben, tous les visages, voilà, toutes les étapes qu'implique de faire bouger des personnages en pâte à modeler, ça peut être vraiment très très intéressant et très même pédagogique en ce qui concerne l'animation. Donc ça peut être assez même très intéressant pour cette prochaine exposition au musée Art Ludique du 21 mars donc au 30 août 2015. Voilà pour les news, on va pouvoir passer tout de suite à la prochaine rubrique, c'est-à-dire l'instant trailer. Alors l'instant trailer qui est assez... bon, ouais, il n'y a que trois films qui ont connu notamment une mise en avant par rapport à leurs bandes annonces, voilà, qui augure pas mal de choses pour 2015. La première, c'est Worms. Alors c'est un film, me disait Tonton, c'est un film espagnol. Ça, je suis pas sûr. En fait, Tu n'es j'ai pas cherché sûr. des informations, j'ai pas trop trouvé. Parce que Donc c'est un quand on film cherche sur Worms, on tombe beaucoup plus sur sur le le jeu. jeu, en fait. Et donc Worms, en fait, c'est un film d'animation donc en volume, c'est-à-dire en stop motion, dont on voit en fait dans la vidéo une scénette avec un verre. Hein, donc reprenons finalement le titre du film qui s'essaye au roller, donc c'est assez voilà, c'est assez marrant, mais à voir ce que ça peut donner évidemment sur le long terme, en tout cas sur un film d'une heure et demie. Tout Des à fait. choses à rajouter par rapport à Non, cela? bon, c'est cool d'avoir un Non. film en stop motion. Encore, on en Moi veut. j'aime bien, donc ça va. Après, faudra voir exactement ce que ça vaut, mais bon, ça m'a le trailer m'a fait marrer, donc voilà. Les gens qui sont encore du mal à faire ça, c'est quand même sympa, quoi. Parce que c'est pas forcément c'est extrêmement exigeant en termes de travail, et donc Ouais, mais quand on voit le rendu, notamment sur les box trolls. Ouais. On peut que les féliciter, quoi. Exactement. Le deuxième, en fait, le deuxième film, c'est La Grande Aventure de Maya l'Abeille, qui est prévue sur 2015, je crois que c'est au début de l'année, si je ne dis pas de bêtises. Hein. 4 février. Voilà. Donc il y aura encore un gros mois de février en perspective sur 2015, hein, comme ça a été le cas sur 2014. Et bon là, on découvre un trailer classique, une image... bah, je trouve que le design est vraiment sympa, ça se rapporte un peu avec la première série, même si bon, évidemment le passage en 3D et le besoin de retravailler tout ça pour que ça fonctionne fait qu'il y a voilà c'est il y a quelques différences, mais je trouve que dans l'idée on retrouve vraiment l'idée de la série originale. Et puis voilà, c'est je trouve que la 3D est vraiment bien faite. Hein. Je Ouais, sais pas ce c'est propre, que vous c'est en avez pensé. coloré. Il y avait déjà une série 3D justement sur le même design. En fait, c'est vraiment l'adaptation de cette série en film. Donc, à mon avis, s'ils font ça en film, c'est que ça a quand même bien marché. Ouais. Alors, si je dis pas, je crois que ça passait sur TF1. C'est possible, hein. C'est Tout à fait. possible, mais je confirme pas. Je crois. Une source sûre, en tout cas. Hein. Exactement, de source Une sûre. source sûre, à peu près sûre. À peu près sûre. En tout cas, sur la bande-annonce, j'ai vraiment l'impression de voir une adaptation chez les abeilles de Mille et une pattes. C'est impressionnant, c'est le même déroulement, les mêmes types de personnages. Je trouve ça assez. Je trouve pas ça particulièrement quelque chose, mais c'est juste que ça m'a fait penser à ça en fait. Les interventions de haut niveau ce soir, Il y a du level. de l'info précise Ouais, et droite au but quoi. beaucoup de recherches, c'est ça. Ah, c'est marrant. Alors, on va continuer, excusez-moi, sur le dernier film. Alors, le dernier film, c'est Les Chevaliers du Zodiaque. Donc, Ouais. quand la Toei, c'est toujours Toei Animation, je crois. Hein. Ouais, c'est Toei Donc, qui quand la et c'est Toei, producteur d'Albator. notamment, donc c'est merci pour la perche, parce que Chevalier du Zodiaque est un film en 3D, c'est-à-dire en image de synthèse. Et bon, voilà, C'est moche. le comment? C'est moche. Ça, oui, c'est pas voilà, c'est pas forcément le problème, c'est que je suis pas sûr que les Chevaliers du Zodiaque s'adaptent forcément à la 3D. Mais ouais, il s'adapte pas à grand-chose, j'ai envie Oui, de c'est dire, mais mis à part non, mais au Karlsen de au Kurumada. niveau design, ça va pas du tout, quoi. C'est t'as l'impression, enfin, je sais pas, je peux pas décrire, parce que c'est du mauvais, enfin, je trouve le rendu est vraiment pas terrible, quoi. C'est réaliste, mais avec des designs japonais C'est très très très très, enfin. classique quoi, ça fait cinématique de jeu vidéo en fait. Ouais, ça fait ça, on dirait un FF15 en Ouais, pire. c'est ça. Et ouais, le rendu est vraiment bizarre, quoi. Et Un peu. je comprends absolument pas la sortie au cinéma, en fait. À la rigueur, en direct to vidéo, pourquoi pas, mais au cinéma, je vois pas du tout pour quel public Bah, c'est le et public voilà. d'Albator presque en fait. Je sais pas s'il a marché le Albator en 3D au Je cinéma. sais plus du tout. Je suis pas sûr de mémoire, ça restait moyen. Ouais. J'ai pas les chiffres en tête, mais après, artistiquement, je trouve qu'Albator était quand même plus réussi que les Chevaliers du Zodiaque, parce qu'ils arrivaient quand même à proposer quelque chose de propre. Après, c'était aussi, il y avait l'expérience sur Albator et l'expérience, alors c'est Aramaki, je crois, le réalisateur, qui s'était notamment occupé des deux Apple Seed hein, en 3D, donc Apple Seed et Apple Seed Ex Machina, et qui voilà qui a quand même une vraie expérience. Qui avait travaillé aussi, je crois, sur sur l'Omnibus Hollow Legend aussi en 3D. Et donc voilà, c'est vrai que les Japonais avaient un déficit au niveau du travail sur la 3D par rapport à ce que proposaient d'autres, je dirais les Américains. On en parlait tout à l'heure avec Pixar, Disney, DreamWorks et compagnie. Et du coup là, je trouve que ne serait-ce que par rapport à Albator a démontré finalement que les Japonais pouvaient très bien s'en sortir avec leur méthode de production utilisée habituellement, mais calquée du coup sur le modèle 2D. et qu'ils arrivaient quand même à faire quelque chose d'assez propre. Alors il y a toujours des petites choses qui vont pas forcément, mais Albator du coup était à ce niveau-là très très joli, je trouve. Chose qui est un peu moins le cas avec les chevaliers du Zodiaque, pardon. Mais voilà, voir ce que si voilà, je pense. De toute façon, le film est déjà sorti au Japon l'année dernière, hein, de mémoire. Hein. Donc, on risque pas non plus d'être surpris par rapport à ce qui a pu être démontré auparavant. Des choses à ajouter, messieurs? Non. J'irai pas le voir. Oui, ouais, non plus. comme ça, c'est dit. Voilà, Comme ça, bravo. c'est dit. Très bien, ben on va pouvoir fermer cet instant trailer et passer tout de suite aux critiques. Les critiques pour le coup vont se résumer à une critique, hein, puisque le mois de décembre a été assez pauvre, même très pauvre en termes de sortie d'animation, puisqu'on a eu le droit uniquement au Chant de la Mer, hein, donc le film Le Chant de la Mer du studio Cartoon Saloon, hein, et donc un film dirigé par l'Irlandais Tom Moore. On Entre avait autres Cartoon entre Saloon, autres, puisqu'il y a eu oui. beaucoup de monde dessus. C'est une coproduction, alors une coproduction européenne, parce qu'il y a Ouais. l'Irlande qui a impliqué la France, le Luxembourg, la Belgique et le Belgique et Danemark. Danemark. Ouais. Donc c'était déjà le cas avec le précédent film où le studio avait travaillé, Brendan et le Brendan secret de et le secret de Kells. Kells. Où il y avait eu Mélusine et The Big Farm, je crois, qui avaient bossé dessus. Oui, donc c'était vraiment voilà, il y avait aussi bien une coproduction en termes de production comme qu'en termes de réalisation sur le film. Tout Alors, à fait. on va vite faire raconter déjà l'histoire du Chant de la Mer. Donc Ben et Maïna, qui sont les deux enfants que l'on va suivre tout au long de l'histoire, hein, vivent avec leur père tout en haut d'un fjord sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur est une Selkie. Une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la sorcière au hibou. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Toon J'ai trouvé ça bien. Non, j'ai. Mais encore, hein. tu veux que je développe peut-être. S'il te plaît. J'ai trouvé ça très, enfin magnifique. Le design est sublime. Les couleurs, le côté. Alors, je vais pas, non, pas estampe, mais y a un côté à plat qui est vraiment très Les très lignes joli. claires. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Et non, c'est vraiment très très beau. Voilà, moi je suis très fan de l'ambiance celtique, l'Irlande, avec les musiques qui vont bien et tout. C'est vraiment très très agréable. Et puis l'histoire est enfin intéressante. L'histoire a rien d'exceptionnel, mais le déroulement avec cette espèce de petit voyage initiatique et tout. Qui est très très bien mise en scène et rythmée, etc. On s'ennuie jamais. Enfin, c'est pas une surprise d'ailleurs, parce que je m'attendais à quelque chose de bien, mais voilà, c'est un très joli film d'ailleurs. Il a été nommé pour les Oscars au mois de février. Exactement. En même temps que les contes de la princesse Gagouya ou encore Dragon 2. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas si, voilà, c'est un peu la surprise ou en tout cas le film atypique qu'on n'aurait pas spécialement vu dans la sélection, en tout cas à Oui, côté de Dragon ou ou voilà. les box trolls aussi, parce que les box trolls en font partie. Ouais, mais c'est plus une habitude que Laika soit dans la Soit liste. présent. Ouais, enfin bref. Oui, ce n'est pas le sujet, absolument. Tu as tout à fait raison. Donc, Le Chant de la Mer, très très bon. C'était un super moment. Je pense que ça se regarde pour. C'est vraiment pour tout public. Ça se Oui. regarde pour les enfants. Ça se regarde avec des adultes. C'est vraiment. C'est une belle production en fait. Voilà, c'est du très beau travail. Alors, je suis absolument d'accord avec toi. Juste, j'ai trouvé que c'était un petit peu loin démarré. On va dire on va dire peut-être le premier quart d'heure prend son temps pour mettre l'intrigue en place. Par contre, après, Ouais, il la présente fin. les personnages, mais ouais, enfin vas-y, Non, continue. non, juste à partir du moment où voilà, ils sont avec leur grand-mère, où ils partent en ville, où ils font Ouais. ce voyage de 3 jours pour rentrer chez elle, pour aller chez elle, vivre. Ah ben après, ça tout se déclenche, tout part dans une vraie dynamique qui fait qu'on rentre totalement dans le film et qu'on apprécie vraiment le voyage qui nous est proposé ici, quoi. Ouais. Après, enfin, moi, je suis, enfin, l'introduction, je la trouve juste au niveau de la longueur, je la trouve vraiment bien, avec il y a juste une présentation des personnages et bah la petite introduction qui explique après tout le reste, mais voilà, et je trouve que on comprend très rapidement les personnages, enfin leur caractère et leur motivation, etc. Et je trouve la relation entre le grand frère et la petite sœur, je la trouve vraiment superbe en fait. Elle évolue parce qu'au début, alors faut expliquer aussi que la petite sœur au début elle est muette, et donc en termes de communication, la communication n'est pas aisée entre les deux, déjà parce qu'il y a, forcément l'antagonisme frère-sœur qui joue, Ah et bah il y du a plus que ça. Il y a le fait entre autres. voilà le bah, je sais pas, alors je sais pas si c'est du spoil parce que il me semble que c'est dans la bande-annonce, Ah, mais c'est bon, possible. je vais pas en dire plus, mais voilà, il y a un événement qui fait que le frère en veut à sa petite sœur, quoi. Tout à fait. Alors, moi j'aime beaucoup aussi dans le côté onirique, hein, parce qu'on met toujours en avant les films de, alors je reviens toujours là-dessus, mais les films de Miyazaki comme des films oniriques où voilà, il y a toujours, alors dans Princesse Mononoké, encore plus je dirais dans Le Voyage de Chihiro, où il y a vraiment ce rapport entre le monde réel duquel viennent les personnages pour aller dans ce monde onirique, féerique. Et je trouve que c'est vachement bien fait c'est très bien fait dans Le Chant de la Mer, hein. C'est bien amené, c'est vraiment voilà, on rentre, on apprécie en fait de découvrir le bestiaire, pardon, le folklore, hein. Le folklore de tous les personnages, de ce qu'ils représentent et de ce qu'ils apportent à l'histoire, hein. Donc c'est vraiment très très bien. Ça fait Ouais. penser d'ailleurs, la fameuse sorcière, hein, me fait penser un peu à Yubaba dans Le Voyage de Chihiro. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Où elle évolue aussi dans son caractère et dans ce qui va se passer, mais après voilà, le parallèle n'est pas forcément toujours opportun à faire, mais pour le coup c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien fait, et c'est aussi pour ça que ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde va y trouver son compte dans ce film-là. Et ouais, je te rejoins là-dessus, et ce que je trouve bien, c'est que on voit pas la transition entre monde réel et monde, ce monde féerique lié à la magie, etc., et aux légendes. Alors peut-être que C'est c'est un que. petit peu plus coloré en termes de Ah oui, peut-être, Choix de couleurs, où t'as un monde assez, notamment tu vois sur l'île, c'est assez terne, morose, alors que t'as tout de suite quelque chose de plus chatoyant quand ils sont dans les terres. ouais, il y a un côté plus verdoyant, un peu. Même si il y a des passages quand même où voilà, il est un peu dans la boue, etc. Notamment quand il pleut, où c'est un petit peu plus sombre. Mais c'est vrai que artistiquement, il y a peut-être une très légère différence, Mais c'est juste une clé pour comprendre. Mais je pense, enfin, je trouve qu'il y a quand même, c'est fluide le passage entre les deux, entre les deux univers, et bah, ça nous plonge complètement dedans, quoi. Et c'est, il y a cette distinction qui est toujours difficile à faire, comme ça pouvait l'être dans un Totoro ou dans ce genre de film, c'est que tu sais pas quelle est la part du réel, ou enfin, il y a toujours ce côté un peu, on sait pas, mais on a envie d'y croire parce que c'est cool, quoi. Donc ouais, c'est très agréable. C'est très agréable dans le jeu de la mer. Et le design aussi participe beaucoup à cela en fait. Parce que le design des personnages, du gros chien en passant par les tous les êtres, les, je sais pas si on peut dire les lutins, en tout cas ceux qui Oui, je font sais plus, les êtres magiques, je sais plus comment voilà, ils que la les appellent. magie Ouais. existe toujours, donc c'est vraiment bien fait. Alors il y a le réalisateur a une espèce de propension à mettre des cercles partout. En tout cas, à avoir un rendu où t'as l'impression qu'il aime bien ça, quoi. C'était déjà dans Brendan et le Oui, secret de tout à fait. Kells, et c'est impressionnant, il en met partout. Mais des beaux cercles, hein, pour le coup, Ouais, et bien ronds. notamment des plongées. Des vues en hauteur sur le sol où tu vois que le décor dessine un cercle ou des choses comme ça, il y en a pas Ouais, mal. tout à fait. Mais beaucoup de symbolique aussi dans, bah, par rapport à ça, dans le design et dans le dessin aussi, qui est vraiment très intéressant. Donc une vraie belle surprise en tout cas sur une fin décembre qui méritait peut-être plus de films d'animation par rapport à la période, Il y mais a eu Les Pingouins quand même. oui, bien Gros gros sûr. film. Gros film. Comment oublier les pingouins? Tellement gros film que du coup DreamWorks licencie. Exactement. Tellement ils croient en leurs produits. Surtout après un troisième film assez moyen, donc voilà. Ok, bah voilà, je pense qu'on a terminé parce que c'est le seul film que l'on avait chroniqué évidemment sur le mois de décembre 2014. Et puis on va voir de toute façon que sur 2015, on va repartir sur des chapeaux de roue, étant donné l'actualité qui va arriver et dont on vous présentera avec un peu plus de précision. Que l'on vous présentera cela, pardon, avec un peu plus de précision tout à l'heure. Mais tout de suite, on va revenir du coup sur la chronique technique, Technique, tout à fait. technique de Chronos. Donc, comment fait-on un film d'animation? Tu vas nous intéresser d'ailleurs aujourd'hui au modeling et au shading. Alors du coup, le mois dernier, on avait vu justement la création des designs des éléments, des personnages, etc. Et donc là, bon, c'est spécifique à l'animation 3D, mais du coup, une fois que les graphistes ont leur design des personnages, des décors ou des objets, des choses comme ça, ils vont pouvoir passer à l'étape justement de modeling, c'est-à-dire la modélisation des personnages. Donc en fait, vous avez sûrement déjà vu justement un personnage modélisé en 3D, c'est vraiment plein de petits carrés en fait qui sont mis et qui sont sculptés en fait pour faire le personnage ou d'autres éléments. Et donc là en fait on va utiliser le design pour le mettre en fond. On va presque en fait décalquer par rapport au design et on va construire, on va sculpter son personnage en fait. Alors il y a plusieurs tentatives en fait. Sur des petites prods, on va vraiment partir directement sur le personnage final. Et dans les grosses prods comme les longs métrages ou choses comme ça, ils ont tendance à faire ce qu'ils appellent des sculptes sur ZBrush. Vraiment des sculptes où là ils se prennent pas la tête avec les polygones, ils passent directement justement sur une grosse surface et ils sculptent avec des outils comme s'ils avaient une sorte de matière en argile en fait. Ils le font justement dans la 3D et ensuite c'est après qu'on va venir par-dessus, une fois que le design et que la version 3D est correcte en fait, on va venir par-dessus créer le modèle final justement pour qu'il puisse être ensuite animé par la suite. Donc ça c'est pour les personnages et pour les décors et les objets ça fonctionne de la même façon. Les objets on va modéliser vraiment comme avec un design. Alors des fois on a juste besoin d'un design en perspective, on n'a pas besoin d'avoir des trucs très très précis, ça peut suffire justement à faire ça. On veille bien justement à ce que les échelles soient bien, par exemple Si on fait un pistolet, on va pas créer le pistolet en se rendant compte après que qu'on va mettre le personnage du pistolet ensemble. Le pistolet, en fait, il fait 2 mètres de haut et le personnage, pour le prendre, c'est un peu compliqué. Et c'est pareil pour les décors. Il faut vraiment que tout soit fait presque en même temps, en fait, pour pas avoir des problèmes d'échelle, parce que du coup, ça peut poser des problèmes justement à ce niveau-là. Et du coup, une fois que la modélisation est finie, que ça a été validé par Unreal, etc., on passe à ce qu'on appelle l'étape de shading. Donc, sous ce terme un peu barbare, se cache en fait la partie où on met les textures, les couleurs, en fait. Et le shading, ça va vraiment apporter les informations de, comment dire, si par exemple, si c'est un métal ou si c'est un plastique, ça va pas avoir la même réflexion, ça va pas accrocher de la même façon la lumière, en fait. Et c'est toutes ces étapes-là, en fait, qu'on va apporter sur un personnage. Par exemple, le personnage aura une ceinture en cuir, donc on va faire une texture de cuir en récupérant par exemple des photos ou en faisant directement à la main sur Photoshop. Ensuite, on va venir rajouter des effets de bump, c'est-à-dire que des effets de relief sur le cuir pour vraiment sentir que qu'il y a de la matière dessus. On va rapporter des informations de spéculaire pour venir avoir des petites accroches de matière aussi qui vont accrocher avec le relief. Et par exemple, s'il a du métal, si par exemple il a une armure ou des choses comme ça, on va mettre des saletés dans les coins, on va apporter plus de détails en fait. Et c'est ça qui va faire toute la richesse d'un personnage ou des autres objets en fait. Et toutes ces étapes-là, en fait, ça va être l'étape où on va créer ce qu'on appelle les assets, c'est-à-dire vraiment toute la base de données, où quand on va créer ensuite les plans, on va dire, ah bah tiens, pour ce plan-là, j'ai besoin du décor de la falaise, du chevalier et de son épée. Et du coup, une fois que toutes les modélisations et les shadings sont finis, ils vont pouvoir les récupérer et les mettre en place dans le plan, et ensuite ils vont pouvoir commencer à animer, mais ça sera dans l'étape d'après, et qu'on verra ça la prochaine fois du coup. Mais en tout cas, Très bien. si vous avez des questions, pas trop techniques, ça va? Non, Non, très non, bien, mais c'est c'était intéressant de nickel. comprendre aussi le fonctionnement, de savoir comment ça se déroule aussi sur cette partie-là, comment rendre ça, tout ce qui concerne, on va dire, l'aspect des personnages, en 3D comme ça. C'est vrai qu'on voit toujours le produit final, mais on voit pas forcément les différentes étapes qui font que, on arrive à cette étape finale-là. Bah, c'est vrai Donc qu'il y c'est a, il y a, il y a souvent des gens et des clients, d'ailleurs, c'est un peu le problème, qui pensent vraiment qu'on a juste appuyé sur un bouton pour faire un personnage et que du coup ils demandent ah ben tiens, est-ce qu'on peut changer la taille de la robe ou choses comme ça, et une fois que le personnage est fini, si on change la taille de la robe, ça implique pas mal de choses Ouais. justement. Ouais, c'est pas l'éditeur des Sims, quoi. Oui, voilà. Non, c'est pas ça du tout. Faut vraiment qu'on modélise un personnage, c'est presque carré par carré, enfin j'exagère parce qu'il y a quand même des outils pour faciliter un peu les choses, heureusement d'ailleurs, mais c'est vraiment avoir des, par exemple un personnage très très rond en fait, comme je sais pas, comme Bob Razowski par exemple dans Monstres & Compagnie, ça paraît simple à faire parce qu'il est pas compliqué, mais au final les personnages les plus simples sont souvent les plus difficiles parce que il faut toujours gérer, faire en sorte que les courbes soient belles en fait. Un personnage qui a des formes simples, si les formes sont pas belles, ça va se voir tout de suite. Le public Ouais. va penser qu'il y a quelque chose qui marche pas en fait. Ouais, s'il a le dessus Et du crâne carré alors qu'il devrait c'est être ça, ouais, rond, ouais. exactement. Avoir des bosses pas très jolies, faut vraiment regarder dans tous les sens en fait si son modèle est bon. Regarder dans les angles justement, si bah c'est comme une sculpture en fait, faut vraiment regarder dans tous les points de vue si son modèle est propre, s'il est bien lisse, etc., quoi. Et au niveau de la cohérence du projet, donc en fait vous partez des designs qui ont été réalisés une première fois en 2D ou quelque chose comme ça. Et au niveau de, parce que j'imagine chaque personne travaille sur un personnage. Et Oui, souvent c'est ça, ouais. ouais, et du coup t'as un directeur artistique ou quelque chose comme ça pour essayer d'avoir un truc proche. À chaque En fois, général, alors du coup, enfin nous de notre côté, c'est ce qu'on fait, c'est que du coup moi je supervise la partie technique, donc je regarde justement s'ils sont bien calés par rapport au design et s'ils font pas d'erreurs de topologie, parce que les polygones ne doivent pas être placés n'importe comment en fait pour que ensuite l'étape pour que l'animation se marche ensuite en fait, c'est pas non plus Oui, voilà, c'est n'importe ça comment. justement que je voulais te demander. Voilà. Après, c'est par rapport à l'animation, parce que des fois, il y a des modèles qui, tu, tu, tu vas te rendre compte après que bah finalement l'animation du bras ça marche pas comme tu voulais ou des trucs comme ça. Ça justement, faut vraiment prévoir. Alors du coup, il y a des règles aussi. Hein. Enfin, depuis qu'on a commencé à 3D, ça fait quand même quelques années. Il y a quand même des règles pour placer les polygones où il faut et pour que du coup l'animation fonctionne en fait. Et du coup, c'est au superviseur de gérer ça. Et derrière, t'as le directeur artistique qui va regarder justement si en 3D ça marche aussi bien qu'en 2D. Donc il y a presque deux personnes en fait qui doivent surveiller que tout se passe bien. D'accord. Il y a plus le côté technique et le côté artistique Ouais. qui surveille en fait. Et pour les shadings, ce que tu parlais de bump, tu parlais de différentes techniques. Est-ce que c'est des outils qui sont intégrés dans vos logiciels ou c'est des y a un côté mathématique Alors ou un ouais, peu plus technique bah du coup c'est un peu des deux, c'est que je pense que à l'époque de par exemple Toy Story, de trucs comme ça, là c'était vraiment mathématique. C'est-à-dire que l'effet de spéculaire et choses comme ça, je pense qu'il est réglé vraiment à la main, tu vois, il rentrait les codes et les trucs comme ça, et ça faisait vraiment leur effet qu'ils voulaient. Mais là du coup il y a vraiment des outils qui facilitent un peu les choses pour pouvoir régler en temps réel et pour voir directement si ça marche en fait. Donc on a juste à changer les curseurs, à mélanger avec, à faire des masques, des choses comme ça, à faire des Ouais. petits mélanges. Il y a un petit boulot de recherche quand même justement pour avoir le côté qu'on veut. Alors souvent on triche aussi parce que il y a des outils en fait qui font ça de façon physique. Par exemple, un objet, le plus souvent il a une petite part de réflexion, c'est-à-dire qu'il va refléter plus ou moins le monde autour de lui en fait comme un miroir, mais avec différents niveaux de détails. Et nous, on pourra tricher justement pour éviter d'avoir ça, pour avoir des rendus plus rapides, parce que faut pas non plus que les rendus plus tard soient trop longs parce qu'on a mis une texture qui sera en 4K et qui sert à rien parce qu'on la verra de loin. Il y a aussi une gestion d'optimisation à penser en fait. C'est pas, Ouais. ça se fait pas non plus comme ça. Et il y a toutes ces données-là en fait, qui sont à prendre en compte pour gérer son shading. D'accord. Et encore une question au niveau du temps de modeling et shading, ça prend combien de temps à peu près? J'imagine que c'est assez variable selon pas la qualité, Alors, mais le. enfin, de notre côté, pour un personnage, je pense que pour le montage, c'est beaucoup plus long parce qu'il y a plein d'étapes de validation à faire. Mais Ouais. nous, grosso modo, en moyenne, on va mettre 4-5 jours pour modéliser un personnage en comptant les retakes et choses comme ça. Et pareil pour le shading, je pense. Pour avoir un perso définitif, je pense qu'il faut compter peut-être. Allez, 10 jours, un truc comme ça. Et D'accord. encore, il faut ensuite concevoir le setup pour l'animation, mais du coup, ça, on verra ça la prochaine fois. Ok. Et j'avais encore une question que j'ai plus ou moins oubliée. non, je sais plus. Je me suis perdu dans mes pensées. Ça parlait de ligne claire, non? C'est pas ça? Deux? C'est pas à propos de ligne claire ou de choses comme ça, Non, non? non, non, même pas. Astérix? Astérix. Je sais pas, hein. non, non, Ah, je laisse peut-être. ces questions pour Romain. On en parlera de toute façon un petit peu plus tard, Oui, assez probablement. rapidement Ah non, oui, d'ailleurs. je me souviens de la question, en fait. C'était pour par rapport aux intentions de base, si vous est-ce que vous réfléchissez comment dire si c'est une petite série, un court-métrage ou un truc comme ça, ou si c'est un truc plus conséquent. Ce que je veux dire, c'est par rapport à la résolution du média plus à la fin, du produit fini en fait. Par exemple, parce que tu parlais de 4K tout à l'heure par rapport aux Ouais. textures. Mais est-ce que vous pensez tous les projets dans le même format, c'est-à-dire à une résolution maximum? Ou est-ce que vous pensez par rapport au rendu final, enfin au produit final tel qu'il sera diffusé? Bah, tu parles par exemple si par exemple on fait un truc pour le web, on se fait pas chier à faire des trucs très détaillés ou des choses comme ça, Ouais, non? par exemple, ouais. Bah après on c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a aussi envie de faire des belles choses. Et des fois on n'a pas non plus le budget pour faire des belles choses et du Ouais, coup faut j'imagine essayer que, ouais. pouvez. De toute façon, le but c'est vraiment de faire un truc qui soit joli, mais suffisamment optimisé pour que ça prenne pas trop de temps à calculer, quoi. Ouais. Parce qu'il y a déjà des projets qu'on a fait où on a pensé justement à faire un système qui fasse un truc très rapide. Et il y a des fois où on s'est dit, bon allez, on s'en fout, on n'a pas le budget, mais on va faire un truc, on va faire un truc qui va être claqué. On se fait plaisir et que c'est l'occasion. C'est pas évident justement de gérer gérer l'un et l'autre, d'avoir un truc joli mais de pas trop joli pour que le budget il rentre dedans. Ouais. C'est pas évident. Ouais, j'imagine. Ouais, il y a un équilibre à trouver. Ça doit ouais, pas être simple. C'est ça. Ouais. Et après le pire c'est les trucs en relief, les films en relief parce que du coup on doit rendre deux images à la place d'une pour avoir les deux yeux. Et ça c'est pareil, il faut trouver des techniques pour que ça aille plus vite, pour pas avoir à rendre deux images entièrement quoi. Ouais, ok. Bon, on va pouvoir passer à ce moment-là au dossier de cette émission, de ce podcastination. Donc, on va revenir donc sur l'année 2014, on va faire le bilan de l'animation en 2014. Pour être le plus exhaustif possible par rapport au film qu'on a vu, on va reprendre les choses dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on va revenir du mois de janvier pour aller jusqu'à décembre, même si décembre on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec le Chant de la Mer, donc on en parlera assez rapidement, et on fera évidemment une conclusion, chacun parlera enfin de ce qui l'a marqué, de ce qui l'attendait, de ce qui l'a déçu également. Parce qu'il peut y avoir des choses qui ont déçu. Et on reviendra également sur les séries. Alors il n'y en a pas forcément énormément, mais celles qui ont pu, qui nous ont marqué et qui ont pu compter sur l'année 2014. Alors c'est aussi bien les séries qui ont commencé et terminé en 2014 que les séries qui ont juste commencé en 2014 et qui poursuivent leur route en 2015. On va commencer tout de suite donc avec le mois de janvier. Un mois de janvier déjà qui s'annonçait intéressant. Puisqu'on a eu la chance en janvier 2014 de découvrir le tout dernier film d'Hayao Miyazaki, donc Le Vent se lève, qu'on a eu la chance tous les trois de voir. Qu'est-ce que vous en avez retenu vous, un an après, Chronos? Un an après, je l'ai pas revu, mais je continue à croire que ce sera un de mes Miyazaki préférés, pour beaucoup de raisons, surtout parce que c'est son dernier et que du coup, même en voyant en revoyant des extraits, des choses comme ça, je suis tombé sur une critique de Yannick Daran, un critique de cinéma qui fait des émissions sur Net, ou sur la TNT ou un truc comme ça. Et il adore les films de Miyazaki, et c'est vrai qu'il disait que Miyazaki, en fait, c'est comme c'est un enfant de la bombe, et il a tendance à être assez pessimiste, en fait. Mais c'est ce qu'il disait, c'est qu'il veut pas donner des choses pessimistes dans ses films, il préfère justement aux enfants qui vont voir ses films d'avoir des choses optimistes. Et c'est vrai que le constat dans Le Vent se lève, c'est que c'est vraiment un film somme, quoi. C'est un film qui condense tout ce qu'il a envie de dire, et du coup, tu te dis, le film est vraiment super génial, mais il est quand même vachement dur, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois le film au final, il finit sur une note très amère, mais en même temps, le message est là, quoi. Il est là, il est vrai, mais c'est dur, quoi. C'est tellement différent de ces autres films, et c'est peut-être pour ça que. Enfin, je sais pas que j'aime pas ces deux films, mais celui-là, je trouve qu'il a vraiment tenté quelque chose d'assez ouf, et en plus terminer sa carrière là-dessus, je trouve ça vraiment couillu, quoi. Du coup, j'aime beaucoup. Ouais, et puis il y a des passages d'animation qui sont assez démentiels. Bah, le tremblement de terre. Ouais, voilà, exactement. Le tremblement de terre, c'est incroyable, quoi. Avec la façon dont se soulève le chemin de fer. Entre autres, ouais, c'est ça, les effets sonores avec les voix, les avions, tout ça. Oui, oui, exact. Oui, parce que c'est vrai que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était les effets sonores, ce sont que les effets réalisés avec des voix en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça donne quelque chose d'incroyable, quoi. C'est une ambiance de ouf, on va dire. C'est spécial. Ouais, c'est vrai que ça change des films qu'il a pu faire avant. Même si on peut se rapprocher de certains films, évidemment par rapport à l'aviation, on peut se rapprocher de Porco Rosso, mais dans l'esprit, on est vraiment sur autre chose avec des. Par exemple, il cite, si je ne dis pas de bêtises, La Montagne Magique, un roman Je crois que c'est du 20e siècle, du 19e siècle. Enfin, ça fait partie des romans qui, lui, l'ont marqué. Et du coup, voilà, il se permet, comme c'est le dernier film, de pouvoir placer un certain nombre de références qui sont importantes pour lui aujourd'hui et qui resteront encore importantes quand les gens reverront ce film. Et au-delà, je trouve que du côté, bah, c'est le dernier Miyazaki, etc., qui Bou est bou bou. vraiment atypique. Non, non, non, mais enfin voilà, c'est cool, c'est vraiment très très bien qu'il conclue sa carrière Oui. là-dessus. Ouais. Au-delà de ça, je trouve le film en lui-même, si on prend tout le contexte autour, tout le réalisateur, etc., je trouve que c'est un film qui est cinématographiquement qui est incroyable quoi. Que ce soit au niveau de la réalisation, du techniquement, le design, les musiques, les bruitages, tout est vraiment c'est super bien écrit, il y a beaucoup de choses dedans, il y a un bon rythme, Ouais, et c'est enfin voilà, dense. il est vraiment Ouais. incroyable. Juste pour l'objet cinématographique, il est complètement fou, je trouve. C'est clair. Et puis on se souvient aussi qu'il y avait une polémique, en tout cas au Japon, au moment de sa sortie, faisant passer le film pour un film anti-patriotique, si Ouais, et je... en Corée, un film pro-japonisant. Voilà. Donc, enfin, évidemment, chacun a C'est... voulu Oui, voir mais ce qu'il a voulu. parce qu'en fait, Avec il a... justesse. Ouais, vas-y. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, parce qu'en fait, il a parlé de la guerre sans prendre position ou quoi que ce soit. Et du coup, ça a choqué beaucoup de monde. Ça a choqué le gouvernement japonais, et ça a choqué le gouvernement coréen, parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas de... il prend pas parti, il raconte juste les faits. Et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui pose problème aux gens qui voudraient qu'il prenne parti, justement. Alors qu'on sait très bien que par rapport au film qu'il a fait avant, qu'il a aucune Bah, velléité, il est il est antimilitariste pacifiste, au possible, il est... voilà. Enfin, voilà, c'est... Ouais, on sent quand même que justement dans le film, il a une sorte de... Il a envie justement de... Parce que, ouais, on sent qu'il est anti-militariste, mais qu'il a envie de mettre une position là-dessus, quoi. Qu'il a envie de dire que ce qui s'est passé, c'est mal et qu'il faut surtout pas recommencer. Malgré tout, c'est pas comme s'il prenait une position. Mais c'est plus comme une sorte d'avertissement, en fait, pour pas recommencer ces choses-là. Ouais, C'est plus ce ça côté-là, fait en fait, que j'ai senti. témoignage, en fait. Oui, c'est C'est ça, exactement, ça ouais. fait témoignage. On sent C'est un peu. qu'il balance tout ce qu'il a sur le cœur. C'est un peu ce qu'il avait dit Mais. d'ailleurs. Il avait dit, ben, je m'excuse auprès des enfants qui comprendront pas forcément ce film-là, mais qui comprendront, pardon, dans quelques années. Mais... C'est aussi une façon de laisser un témoignage et une empreinte sur ce dernier film. Donc c'est compréhensible et il arrive à toucher ce qu'il voulait atteindre au début. Donc il est cohérent sur cette production-là en tout cas. Ça fait. Donc voilà, en tout cas pour Le Vent se lève qui fait partie des excellents films de 2014 et puis. Évidemment, comme il est toujours un peu spécial, comme c'est le dernier, en plus un des derniers films produits au studio Ghibli, puisque on le sait, c'était notamment une des informations de 2014, le studio Ghibli en tout cas ne produira plus en tant que tel de films d'animation. Ils ont plus C'est pas de, ils ont plus de, le enfin, ils studio. ont, le studio, il existe encore, mais ça sera des personnes en freelance qui seront embauchées pour la réalisation d'un film en Voilà. particulier. Donc on change complètement de système de fonctionnement. Par rapport à ce qui avait été fait à sa création il y a quasiment 20 ans, 30 ans, Oui, non, 30 ans. parce que le, si je dis pas de bêtises, le fait qu'ils, parce qu'ils ont Ah oui, toujours vécu, en fait, tu as raison. le film finançait le prochain, en fait. Et il y a qu'à partir de Mononoke, si je dis pas de bêtises, où, entre guillemets, ils se sont professionnalisés, ou en tout cas, ils ont embauché des gens en CDI pour réaliser des films en continu, quoi. Et qui restait pas sur un projet avant de partir sur autre chose qui C'est restait ça. sur le studio. C'est ça. Très bien. Alors au mois de janvier, on avait aussi la chance, enfin la chance, oui, de voir l'adaptation cinéma de Minuscule. Alors Chronos, tu l'avais vu également. Qu'est-ce que tu en gardes Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce à que c'était l'époque une et... chance? Voilà. La chance, le mot est un double sens en plus, donc c'est Non, mais vous le voyez comme vous voulez. c'est vrai que je reste sur ce que j'avais dit à l'époque, c'est vraiment un film pour les enfants. C'est mignon, c'est gentil, mais c'est vrai que j'en garde pas un souvenir mémorable, on va dire. C'était très sympa sur le moment, mais vraiment sans plus, quoi. Alors, je suis un peu pareil que toi, je trouve qu'en plus le rythme était assez lent. Ouais, tout à fait. Par contre, je trouve assez couillon entre guillemets pour une production française de faire un film où il y a très très peu il y a pas de dialogue en fait. Et de faire passer le message, bon, même si évidemment l'intrigue est assez simple, pour ne pas dire simpliste, dans son déroulement, je trouve que c'est quand même assez sympa de se rendre compte que des projets comme ça peuvent voir le jour. Alors que voilà, souvent ben la parole la parole est souvent plus efficace pour faire passer un message que des petits insectes qui n'ont en plus pas de visage, pas d'émotion en tant que tel. Ça se passera juste par les mouvements qu'ils vont faire et leur évolution. Donc c'est vraiment, ne serait-ce que pour ça que le film mérite d'être vu, à ce niveau-là, parce qu'en plus c'était à l'origine c'était une série, mais c'est un film pour les enfants, et par rapport à ça, c'est peut-être pas non plus un film que pour les enfants, même si la touche et la cible, pardon, est ratée, très certainement. Je suppose. Quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, pas du tout. Eh bien, on va passer. Oui? Ça a été un peu une surprise, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties en janvier-février. Tout à fait. Et c'est celui avec Lego Movie, c'est celui qui s'en sort le mieux, qui a fait 1,5 million, je crois, d'entrée. Donc c'est vraiment une assez grosse surprise. C'est clair, hein. Alors on va passer au. Alors, même si pour le coup, je pense que la série télé a dû appuyer sur le fait que les enfants devaient connaître déjà, et ça a pu Oui, peut-être certainement. les pousser à aller voir avec leurs parents le film au cinéma. Ouais. Enfin, parce que tu as la parole, Antoine Tountoun, tu vas pouvoir la conserver, puisqu'on va passer déjà au mois de février. Ah Alors le mois de mince. février était un mois, c'était le mois Chargé. d'ailleurs le plus dense, le plus chargé pour l'année 2014. Alors on va passer rapidement sur Jack et la mécanique du cœur. Hein. Ouais, qui est une sorte de flop, puisque voilà, j'en attendais pas des masses, mais j'ai quand même été déçu. Voilà, j'avais accroché au design, mais en fait le film est assez vide, il manque d'âme, je trouve. Les musiques sont sympathiques, mais ne enfin voilà, c'est un film assez passable, avec un doublage que j'ai pas apprécié, et techniquement faible, et une histoire pas enfin un manque de rythme évident. Très bien. Alors on va passer à Tempête de boules géantes 2. Alors Chronos, tu avais adoré le 1. En tout cas. J'avais adoré le 1 et j'ai détesté le 2. Oh là là. Non mais Faut c'est. pas qu'il fasse un Astérix 2 alors. Attends, on en Bah parlera ça, après. ça dépend. Ne souffle pas Faut sur pas les braises brûler tout de les suite. étapes. Ah non mais de toute façon c'est clair et net. Hein. Il y avait Phil Lord et Chris Miller qui étaient à la tête du premier et qui sont partis faire Lego et on verra juste après. Lego c'est. Voilà. Ça tue. Ça tue. Et que Tempête 2 ça tue pas. Ça tue C'est pas du tout. Non, ouais, c'est pas terrible. Il y a un mauvais rythme, les personnages sont. En fait, le problème, c'est que c'est presque une sorte de mauvaise parodie de Tempête de Boules Géantes où les gens essayent de faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils essayent de reprendre des personnages un peu tarés avec des animations de ouf. Mais c'est trop, c'est too much. Ils essayent de faire des trucs drôles et c'est pas drôle. C'est vraiment très décevant, quoi. Je retiens absolument rien et je crois que je vais essayer de l'effacer de ma mémoire. Si, j'ai bien aimé. Alors pour regarder un peu la dernière scène, en tout cas la dernière scène d'action qui est assez drôle, je crois, quand le singe il grimpe dans le robot, mais j'avoue que j'en garde pas non plus un souvenir impérissable. Alors que le 1, j'en garde toujours un excellent souvenir, parce que l'idée de base est juste géniale, quoi. C'est super bien trouvé. Après, en faire un 2, c'est un peu la manière de Cars. Est-ce qu'on fait un deuxième? c'était nécessaire. Et Miller avaient continué. Ouais, mais est-ce que eux l'auraient fait? Ces mecs sont assez un peu des génies, donc voilà. Mais est-ce que l'auraient fait? C'est-à-dire que si eux n'étaient pas partis, est-ce que le projet se serait quand même fait? Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas aussi dur que Chronos, mais voilà, il y a ce côté vraiment too much. Ils ont essayé de mettre un maximum d'idées possibles, même quand elles étaient pas bonnes. Du coup, ils en font trop, mais malgré tout, moi, je reste assez attaché au personnage. Et voilà, je l'ai trouvé je l'ai trouvé sympa au moment où je l'ai vu, mais voilà, genre, tiens, rien de particulier, quoi. On va passer à la suite. Si vous n'avez rien à rajouter par rapport à Tempête de Bullet Journal 2, on va passer à Peabody Sherman. Moi, c'est à peu près la même chose que la critique que je viens de faire sur Tempête 2. Bon, bah, très bien. ça va être rapide comme ça. Un mot rapide quand même par rapport au voyage dans le temps, par rapport aux époques traversées, par rapport à tout cela. Ne vous battez pas surtout pour prendre la parole. non, ouais, moi j'aime bien l'idée, j'aime bien les deux personnages, Peabody et Sherman, et la gamine aussi, j'aime bien. Après, voilà, c'est un film sympa. On en attend certainement plus de DreamWorks. Bah, moi, j'ai vraiment pas du tout envie de le voir. Je suis allé le voir parce que j'ai presque pas eu le choix. Mais au final, j'ai passé un bon moment sur le moment. Voilà, j'ai l'impression de parler sur Astérix, quoi, c'est marrant. C'est... Ne prenez pas les étapes, ça va arriver. Tout doucement. Non, j'ai passé un bon moment, j'étais surpris parce que c'est graphiquement, en fait, on sent que c'est le DreamWorks haut de gamme. Low, petit budget, ouais. Ah c'est, bon ouais, moi, c'est... je sais pas sur. Bah, il y a une compréhension totale. Il y a eu dans deux sur au budget. Et je pense oui. Ouais, non, en fait, je pensais au pingouin. Je pensais au pingouin oui, et du bah, coup, je me dis, eu, c'est quand même au-dessus de Turbo et les pingouins, quoi. Bon, il y a eu deux petits budgets, alors du coup... Bon, en fait, je trouve que c'est mieux, par exemple, Turbo, c'est un bon exemple, parce que c'est très... Bah voilà, on n'a pas beaucoup de budget, mais on va pas trouver de système pour essayer de compenser. C'est-à-dire que du coup, ils vont faire des trucs pas terribles, et ça pas marche. Alors que Peabody et Sherman, je trouve qu'ils ont essayé de trouver des designs un peu épurés, des couleurs un peu plus franches, ouais. Et un style un peu plus chouette, en fait. Un peu plus cartoon. Ouais. Un peu plus cartoon. Il y a des personnages assez moches, comme Léonard de Vinci. Bon, ça, voilà, ça arrive. mais sinon, le film, graphiquement, je trouve vraiment intéressant. Et ouais. Non, j'ai passé un bon moment. Je pense pas que je le reverrai. Il y a cette patte DreamWorks, je trouve, sur ce film-là, qui me fait penser à des anciens films. Alors je vais encore me tromper, je crois, mais Horton, c'est DreamWorks ou c'est Blue Sky. C'est Blue Sky. Donc je savais que j'allais me tromper, mais il y en a certains. qu'est-ce qu'il y avait eu j'ai oublié, j'ai pas le nom en tête, mais je trouve que voilà le design, en tout cas, est assez agréable à regarder. Après voilà l'histoire, le problème quand tu fais des histoires avec des voyages dans le temps, c'est toujours un peu casse-gueule. Je pense que la licence est plutôt intéressante et je pense qu'il gagnerait à le faire en série. En série, ça marcherait mieux. En truc assez court avec toujours cette thématique sur le voyage dans le temps et avec ce design et tout, je pense que ça marcherait pas mal. Ouais. Je veux dire en plus que la fin est assez comme la série avec Carlos par exemple, c'était pas mal ça. Dans le même style. Cette référence, la référence qui vient de part. Carlos, il y avait Carlos qui était dans une sorte de, ouais, ouais. De zodiaque avec des gamins et oui, du oui, coup, il fait. Voyageait, il voyageait oui. Dans le temps et tout. Voilà. Un peu voilà. Comme 4 têtes planètes quoi. Un peu c'est comme 4 têtes planètes. 4 têtes planètes, il voyageait pas dans le temps. C'est oui, dans l'espace. Des, voilà. Et Carlos quoi. Ah ouais, c'est beau. Oh la vache. Bah, c'est le tout premier truc qui m'est venu à l'esprit. Hein. Ouais, là, je. Je me souviens avoir vu cette série-là ça passait sur TF1 ouais, à l'époque. De son vivant, dira-t-on. Toon, tu vas nous parler de Tantilda? Ah oui, vite fait, oui, c'était le folle image, le folle image de cette année. Le Jean-Rémy Giguère, c'est ça? Je sais plus. Oh, honte. La honte. Travaillez pas ces dossiers, là. Non, je vais. Bah ouais. Que voulez-vous que je fasse? On est dimanche soir. C'est pas une raison. On pourrait être lundi soir, ce sera la même. C'est vrai. Le mais non, bah, j'en parle quand même parce que parce que c'était vraiment cool. À mon avis, il a fait un bide monstrueux. Je me souviens, j'avais été le voir la semaine de sa sortie. J'étais tout seul dans la salle. mais c'était vraiment très joli, très atypique dans le design par rapport à ce qu'on voit d'habitude, avec un trait une 2D avec un trait assez comment dire assez vaporeuse et très très joli avec des superbes couleurs et puis une fable écolo qui marchait bien qui voilà un film très sympa avec en plus un bon doublage pour une fois avec des acteurs qui sont connus mais qui savent doubler et ça c'est fort. On n'en trouve plus beaucoup. Plutôt rare, ouais, tout à fait. Ouais, avec il y avait Balasco, il y avait enfin Oui, exact. quelques noms assez connus, il y Mais avait qui. Jean-François Morel, voilà des noms des acteurs assez connus et qui sont François Morel, tu veux dire? relativement oui, c'est ça. Je divague. Donc voilà, c'était un film très sympa. Très bien. Excusez-moi, je suis en train de rêver. Donc, alors moi, du coup, alors justement par rapport à ton titre, moi, c'est ma frustration de cette année parce que j'ai pas pu le voir, tout simplement. Bah, Parce que achète le DVD. parce que pour la petite histoire, je m'étais trompé dans l'heure, dans l'horaire. Alors c'est assez terrible. Du coup, t'as été voir Jack et la mécanique du Bah cœur. non, du coup, je suis rentré chez moi, tout penaud, parce que j'avais pas le film que je voulais aller voir. Ah là là. Voilà, la tristesse. Ouais. Mais on va passer, alors avant de quitter le mois de février, on va passer quand même rapidement, bah pas rapidement parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu l'as évoqué tout à l'heure, Chronos avec Lego Movie ou Lego La Grande Aventure, ou La Grande Aventure Lego, pardon, La grande aventure Lego, c'est ça. en français, tout à La fait. grande Lego aventure. Non, mais non. Enfin bref, Lego aventure la grande. le film qui te fait qui te donne envie en fait d'acheter de racheter des boîtes de Lego et te dire ah oui mais en fait on peut faire des trucs de ouf avec ces Lego. C'est pas ça? Ah C'est un si, c'est peu ça. Bah bon, après j'en achetais déjà avant de Lego, c'est pas le bon. problème, mais Drogué, drogué. et du coup ça m'a oui ça motive bien à acheter des Lego. Et ouais, comme je disais, c'est Phil Lord et Chris Miller qui avaient déjà bossé sur Tempête Promis du Nom. Et du coup, on sent bien toute leur folie, tout le côté quatrième mur. En fait, ce qui est vraiment bien dans ce film, c'est que ils ont pas fait juste un film adapté de Lego, ils ont vraiment fait le film Lego, c'est-à-dire le film qui représente le mieux l'esprit de la marque, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui ont pensé, dans les critiques négatives, que c'était presque une pub déguisée, Oui, tout à fait. mais en même temps c'est un film qui est fait pour vendre Lego, donc on peut pas, enfin Ben c'est voilà. voilà, c'est un peu le but. En même temps c'est quand tu fais un film Disney tu vas vendre des figurines derrière, donc c'est un peu pareil quoi. Et là c'est le même principe, sauf qu'effectivement Mais les surtout que trucs c'est un peu existent déjà. injuste parce que justement les deux ils sont quand même cassés le cul un peu Ouais. pour aller plus loin Oui, que ce qu'ils auraient pu faire sans se fouler quoi. c'est pas juste les films comme on voit. Ils ont fait des films Batman, enfin Lego Batman en direct ou DVD. Là, ils ont vraiment pensé leur truc en mode stop motion, comme si c'était des sortes de fan movie qui font leurs films chez eux, et ça marche vraiment d'enfer. Et il y a aussi ce twist qui arrive dans le troisième acte qui est vraiment sur ce côté philosophie Lego qui marche super bien. Et dont Ouais. on n'attend pas vraiment en fait, et au final ça marche vraiment bien, et c'est le gros plus aussi de ce film, je pense. C'est toute cette mentalité, toute cette philosophie qui fonctionne vraiment bien, et puis ouais, le film est. Alors je pense que pour les gamins de 5-6 ans, à mon avis, ils ont peut-être des crises d'épilepsie après la séance, tellement le film part dans tous les sens, mais c'est vraiment, vraiment cool quoi. C'est ultra référencé en plus, hein. Je veux dire, Ah oui, complètement, ouais. ouais. tu parlais de Batman, je veux dire, Batman, il est génial, il y a Ah, il est des génial, ouais, génial. les Oui, puis périodes de zoo. Spaceman avec son spaceship. Le mec qui Spaceship. veut tout le temps construire un vaisseau spatial. Ah, quand il peut, c'est juste la fête, quoi, c'est. Et c'est C'est là où, clair. en plus, les références, elles sont visuelles et elles sont techniques, parce que tu regardes, il a son. Donc lui, l'astronaute, là, il a son casque qui est pété. On a tous eu un bonhomme avec un casque qui était pété à cet endroit-là, et qui était mâchouillé. Et tu vois les traces dedans et tout, et je trouve ça génial, quoi. Exactement, donc ça c'est les réalisateurs de Tempête de Boulet Géante 1 justement qui se sont occupés Les réalisateurs de De Jump 21 Street, Jump Strip, ouais. ouais. 21 et 22 qui sont excellents d'ailleurs au Ouais. passage. Avec Channing Tatum et j'ai perdu son nom, j'adore Bah, cet Seth Rogen, acteur. c'est l'autre. Ouais, Machin Hill. C'est Machin Hill. ouais, Jonah c'est Hill. Jonah Hill. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Exactement, moi, très bien. Le mois de février, c'est quand même un mois qui a été très très important, même si on y retiendra principalement Lego Movie et dans une moindre mesure Tantilda, même s'il est très très bon et puisque Toon l'a apprécié. On va passer alors à un mois de mai. On avait chroniqué à l'époque Toon et moi. On a chroniqué l'île de Giovanni, donc on en garde un souvenir, je pense, toujours aussi intéressant et intéressé. Toon. Ouais, bah oui, moi j'avais beaucoup aimé à l'époque son côté film japonais, mais différent des films japonais habituels. Même si là, durant l'année 2014, c'est un peu con de dire ça, parce que on a eu trois films japonais très très différents. Mais ouais, il a une touche un peu différente, même si toujours très dans la nostalgie, etc. Et c'était une excellente surprise parce que moi j'attendais rien de particulier. Et voilà, c'est un film magnifique, c'est un de mes gros gros coups de cœur de cette année. Alors, qui essaie d'éviter d'être larmoyant, en tout cas d'être, je sais pas comment on Ouais, pourrait ouais, dire, ouais. misérabiliste. Ouais, il est juste ouais, il est juste témoin du truc quoi. Un peu comme le vent se lève, il en fait pas trop, il raconte juste ce qui se passe. Voilà, sans fioritures, avec des passages vraiment qui tombent bien, comme le passage du train entre les deux appartements, les deux maisons. Entre d'un côté les Russes et de l'autre côté les Japonais, avec tous ces effets de lumière qui étaient vraiment bien faits, bien rendus en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors on va passer au mois de juin, avec là encore une prouesse technique, j'aimerais même envie de dire, assez impressionnante, parce que c'est donc le dernier film du coup de Takahata, donc l'autre face du studio Ghibli avec le conte de la princesse Kaguya, qui est juste. Alors l'histoire était un peu, je sais pas ce que vous en avez pensé vous. J'ai trouvé que c'était parfois un peu longuet. Ouais, Après un voilà, petit peu, ouais. comme on l'avait évoqué avec, puisque Chronos et Toon l'ont également vu, il y a aussi le fait que c'est un conte et les contes, il y a quand même une espèce de comment dire, de narration spécifique. Qui ressort tel quel dans le film. Mais après on retiendra surtout l'animation qui est vraiment magnifique. Ouais, qui techniquement c'est assez incroyable C'est propre. ce qu'ils ont. Ouais, c'est surtout unique en fait. Y a pas de. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'équivalent à ce qui a été fait sur Kaguya. Après l'équivalent c'est peut-être les Yamada qui étaient un peu dans le même style, Ouais, mais il y avait ce. c'est presque pas un brouillon, mais c'est genre un test qu'il a fait pour voir si ça marchait, et ensuite C'est on passe au ça. gros morceau quoi. C'est ça. Et là, sur la durée, parce qu'en plus, il est assez long. Il doit faire pas loin de 2 heures, je crois. Ouais, je crois qu'il fait plus de 2 heures, il me semble. Ouais, peut-être, oui. Mais en tout cas, sur la durée, avoir un niveau technique aussi élevé et des designs aussi, parce que moi, je le trouve magnifique esthétiquement et tout. Il est sublime. Et puis, bah, après, l'histoire, c'est. Voilà, c'est le conte de la princesse Kaguya, donc c'est je pense que c'est assez difficilement accessible pour nous Français, parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture japonaise et voilà, mais ça reste un vraiment très joli film et puis voilà, la prouesse de technique de ce qui a été fait, c'est un film très marquant, quoi. J'ai hâte de le revoir en Blu-ray du coup. Ouais. Le coup, Et j'ai hâte de voir les bonus, il sort s'il en y a des mars, je bonus. crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec une fournée de nouveaux Ghibli, j'ai plus les noms en tête, mais voilà. Cette émission de la précision. Ah si, il y a Kiki, Kiki la petite sorcière et... Ouais, non, Kiki, il est déjà sorti depuis un moment. Ah, voilà. Non, il n'y a pas... Il y a des films Ghibli qui vont sortir au mois de mars. Voilà. Comme il y en a qui sont sortis là au mois de janvier d'ailleurs. Vous l'aurez entendu pour la première fois dans Podcastination. Dans Podcastination, dans Celluloid, pardon. Enfin bref, quelque chose à rajouter sur Kaguya? C'était cool. Non, oh, très bien. Dit, parfait. Très bien. Dragon 2 au mois de juillet, parce que le mois de c'était juin cool c'est aussi. Déjà terminé, donc on passe au mois de juillet avec Dragon 2, donc c'était cool, me dit Toon dans l'oreillette. Ouais, alors, bah oui, la suite de Dragon qui était très bien et Dragon 2 qui est très bien aussi et voilà. C'est QFD. Ouais, c'est ça. En fait, pour le coup, c'est vrai qu'avec un peu de recul, il était très bien, mais je sais pas si c'est parce qu'il y a moins l'effet de surprise, mais je suis moins pressé de le revoir. J'ai même acheté le Blu-ray et tout, mais je l'ai pas encore revu. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Pourtant le film, j'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est peut-être un peu plus classique, j'en sais rien. Je sais pas. C'est vrai que le premier Dragon, c'était vraiment, c'était presque un accident, hein, parce que le enfin, un accident, on sent que c'est comme un mec qui met des ingrédients dans la marmite, genre les trucs classiques, etc. Et d'un coup, je sais pas, il a plongé ses deux couilles dans la marmite, et du coup, c'est un accident, ça fait un truc beaucoup plus burné que les autres, et c'est ça qui a marché. Et là, je sais pas si, pourtant, je peux pas dire qu'il est plus classique que le premier, mais non, mais il y a peut-être le méchant qui est pas. Peut-être, ouais. Qui est pas exceptionnel ou enfin voilà. Mais oui, t'en avais parlé déjà la dernière ouais. fois et c'est vrai que enfin moi je pense que c'est l'effet de surprise parce que ouais, c'est peut-être ça. Moi je l'ai vu très tard le premier Dragon et comme tout le monde m'en avait déjà parlé, j'ai pas eu d'effet de surprise ou quoi que ce soit, et j'ai juste apprécié le film et j'ai vu un mois plus tard Dragon 2 au ciné et bah c'était tout aussi cool en fait, je retrouvais le même univers, les mêmes personnages qui avaient grandi et qui étaient toujours intéressants et avec pas mal d'action et tout. Bon, il y a des personnages quand même qui sont un peu énervants Oui, dedans, genre les potes, genre la sœur là, les enfin sœurs, ouais. les jumeaux et enfin Ouais, il y a ouais. un running gag qui revient un peu trop souvent, on va dire. Astérix. Oh les loups. Je parlais pas de cela, ouais. Non, c'est les lignes claires, je crois. Enfin, c'est vraiment les lignes claires. Par contre, juste alors moi, je suis d'accord avec vous. C'est juste pour qu'est-ce que vous avez dit. C'est juste pour dire. Alors ils ont passé, c'était à Noël sur TMC. Ils ont dû faire des épisodes spéciaux, mais d'un niveau graphique. C'est les, ouais, ah, en fait, tellement vilain. C'est des moyens, je crois, ou des cours. Mais c'est l'impression de revenir en 97, quoi. Ah, j'ai vu sur Netflix, il passait un moyen métrage, je crois que c'est genre sur la course qu'ils font dans le 2. Effectivement, c'est ils ont fait pareil pour Kung Fu Panda, ils ont fait pareil ouais. pour quelques trucs. Ouais, mais... Et en fait, à chaque fois, c'est un ratage complet, parce qu'à mon avis, ils mettent aucun budget dedans. Et du coup, voilà. Non, mais je crois que c'est vrai, il file peut-être ça à DreamWorks India ou je sais pas quoi, mais c'est triste quand même parce que quand tu vois Toy Story qui font des courts-métrages vraiment, vraiment ouais. super cool et du même niveau que le film, et que de l'autre côté tu vois DreamWorks qui font des trucs vraiment, vraiment très très moyens, même pire que ça, c'est vraiment dommage quoi. Exactement, c'est. Et ouais, et puis t'as vraiment une grosse différence, c'est-à-dire que. C'est énorme quoi. C'est pas le passage télé qui fait que c'est vilain, c'est vraiment vilain quoi. Par rapport au standard d'aujourd'hui, même par rapport à un Code Lyoko qui est pas forcément la chose la plus jolie déjà à l'époque en 3D, c'est encore plus vilain que ça quoi. Après voilà, Code Lyoko ouais. c'est spécifique, faut apprécier, on accroche pas, mais là ils ont déjà une base quoi, ils ont déjà ouais, c'est ça. Oui c'est ça, surtout on a un point de comparaison, donc du coup forcément et puis doit y avoir des assets qu'ils peuvent récupérer, réutiliser, j'imagine. Que ouais, c'est après, l'idée. Bah, c'est une question de budget aussi, hein. Oui, bien sûr. Comprendre que du coup, ils sont obligés de mettre des choses moins fines. Ouais, mais les textures sont baveuses, c'est ouais. vilain, quoi. Même au niveau animation, c'est tout mou, il y a aucune recherche, c'est vraiment moins bien de tous les points de vue, quoi. C'est histoire d'en refaire un, histoire qu'on fasse du contenu, quoi. Que eux fassent du contenu. Ouais. Très bien. Eh ben, bon, juillet passant, on arrive au mois d'août. Alors, avec Budori, Ah, ton top. maintenant, alors, Avec Astérix. mon top dans, je ne répondrai pas à cette attaque, je ne répondrai pas. Alors, mon top dans l'incompréhension totale, quoi, vraiment. Alors, j'avoue, je me suis endormi, il y a un moment, je me suis endormi. Bah, ça aide pas. En fait, t'as vu 5 minutes du Non, mais ça film. aide Ah, pas, j'ai mais pas en fait, aimé. je vous jure, hein, je pense qu'il faut le voir. Alors, en plus, moi, je me souviens, quand je suis allé le voir au cinéma, il y avait des enfants, et donc, ben, au bout d'un moment, les enfants, ils accrochaient plus, donc voilà, Donc, ils mais donnaient des c'est, coups de pied dans ton siège et. non, non, ils étaient devant moi, donc, le problème ne se posait pas, Tu leur mettais des coups de pied. c'est ça, voilà. Maman, il arrête pas de te donner des coups. C'est ça. Exactement. Mais non, non, mais pour le coup, j'aurais même du mal à vous raconter ce qui se passe en fait. Parce qu'on a l'impression d'avoir une succession de scènes qui n'ont pas de rapport entre elles. Et c'est, alors, c'est extrêmement frustrant, je trouve, parce que le film est bien réalisé, l'ensemble est bien est correct. Et voilà, sauf que voilà, il y a pas de lien en fait, j'ai l'impression, il manque un vrai fil rouge, une vraie trame qui permet de relier toutes ces scénettes, toutes ces scènes. Et donc moi je suis ressorti frustré de pas avoir compris, de pas de me demander ben ce qui se passait et pourquoi est-ce que ça se passait, pourquoi est-ce qu'il y avait pas forcément justement ce fil conducteur pour tout comprendre quoi. Donc voilà. Alors on va passer. On arrive au mois de septembre, on va passer au mois d'octobre. Hein. Toon, toi tu as vu alors Le Garçon et le Monde. Ouais, Tu de peux nous en reparler? Parce que Aléa Abreu, c'est un film brésilien qui a t'avais été bien primé. apprécié à l'époque. Il a été primé à Annecy 2014. Et c'était très très bien. En revoyant le Brendan et les secrets de Kells, j'ai vu. Enfin, je trouve il y a un truc assez proche dans la façon de. Dans certaines scènes, j'ai vu des scènes assez proches, notamment dans Brendan avec les échafaudages sur l'enceinte autour du village et dans Le Garçon et le Monde, le passage avec les containers. Il y a un passage avec des où il arrive proche de la ville, enfin dans un port, et il y a des grandes grues qui embarquent des containers sur des bateaux et tout. Et j'ai trouvé il y avait des similitudes dans la construction des scènes et dans certains plans, etc. Et dans une esthétique aussi assez épurée, enfantine et un peu naïve. Et donc, Le Garçon et le Monde, c'est vraiment un film très très intéressant, assez passionnant en fait, dans son propos, dans ce qu'il raconte. Donc, ce truc très anticapitaliste et très. Je veux pas dire bobo, mais il y a ce côté un peu antimondialiste et tout. Et en plus lié avec cette esthétique très très enfantine et en plus les thèmes récurrents avec les orchestres je sais pas comment on appelle ça mais des orchestres de rue on va dire d'ailleurs des musiques qui sont assez proches de celles de Brendan et c'est là où j'avais fait une similitude aussi et donc voilà un super film qui a pas dû faire beaucoup d'entrées parce que très peu distribué en salle, mais voilà, c'était distribué par les films du Préau, donc qui distribue beaucoup de très bons films aussi. Et voilà, je l'achèterai. Il sort bientôt en Blu-ray, enfin Blu-ray DVD, je sais plus, mais je pense que je le prendrai parce que c'est vraiment un bon film et qui mérite du soutien. Très bien, alors on va passer à la suite. On va passer notamment à Box Troll. Hein. Alors Box Troll, production Leica, production en animation, en stop motion, pardon. Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui, Chronos? Hein? Comme je l'avais dit à l'époque, en fait, c'est un film très très bon, aussi bon que Paranorman ou Coraline. Et le seul reproche que j'avais à faire et que je fais toujours, c'est C'est vraiment que je trouve dommage qu'ils ne soient pas sortis de leur thème qu'ils avaient déjà mis en place sur Paranorman. C'est vraiment le côté le personnage qui est un peu repoussé de tous et qui personne ne croit et que du coup il va faire accepter la différence aux autres. Et voilà, je trouve ça un peu dommage que malgré l'univers qui change et les personnages qui changent et l'histoire aussi, qu'au final les thèmes soient très très similaires, c'est un peu mon reproche, qu'ils prennent pas suffisamment de risques en fait au niveau de l'histoire. Parce qu'après franchement le reste techniquement, l'animation, le design et tout, c'est juste incroyable quoi. Ça fait plaisir en plus de voir un film en stop motion. Mais c'est juste quoi, ouais, j'aimerais bien qu'ils prennent un poil plus de risques en fait. Très bien, Tuntun. Tout pareil. Pareil, Ouais, j'attends du coup de voir quel sera leur prochain film, dans quel univers et justement avec quel thème et quelle écriture. Mais j'ai beaucoup apprécié. Il y a cette similitude dans le thème qui est, ouais, on sent qu'ils maîtrisent de toute façon. Donc, c'est quand même réussi, mais ouais, peut-être un petit peu plus de prise de risque de ce côté-là, en effet. bah c'est ouais, le prochain film c'est ça, enfin ça a l'air un peu différent. C'est ils ont juste montré un artwork qui s'appelle Kubo and the Two Strings, donc Kubo et les deux strings Les deux ficelles. et les deux ficelles. Donc à voir, ça se trouve on va voir si les Ça y est, on a si peint du les roman. univers Ah non, pas du tout, non, je vais voir comment Chronos s'en sort. Ça sort Non, non, c'est si c'est s'il y a beaucoup de lignes claires et beaucoup d'astérix dans ce film. Ouais. La Rattrape-toi ligne comme tu claire en peux. stop motion, ça serait bien. Hein. Compliqué, mais ça serait bien. Ouais. Bon, très bien. En tout cas, voici, voyez, pour les box trolls, de toute façon, on en avait parlé dans la dernière émission, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Ou non, c'est tout. c'était l'avant-dernière, je sais L'avant-dernière, plus. pardon. C'est tout récent, en tout cas. Je suis perdu. Bah tu vas conserver la parole, Tuntun, parce que Ah tu vas nous mince. parler de la légende de Manolo. Oui, Rafraîchis ma mémoire. en gros, la même critique que pour Peabody et Sherman et Tempête 2, mais en un peu mieux. non, ouais, c'est un film sympa, esthétiquement très impressionnant et surprenant, avec pas mal de références, beaucoup de très colorés et tout, c'est vraiment très sympa. Au niveau de l'histoire, il y a des trucs pas super cohérents, genre la femme forte qui a quand même besoin. On lui dit, bah t'as deux choix pour te marier, c'est le gala ou le gala. Bon, d'accord, ok. Et en fait, tu te rends compte qu'elle peut savater un peu tout le monde dans le village, mais qu'elle a quand même quelqu'un besoin d'un mec pour la protéger. Voilà, ça c'est un peu. Mais sinon, l'histoire est plutôt sympa. Les musiques sont à chier et le film est très très joli. Et du coup, globalement, ça fait un film plutôt agréable, mais dont on retiendra pas non plus. Voilà, c'est pas le film marquant de l'année. Ok, très bien. Alors on va passer fatalement à ce mois de novembre qui a vu la sortie Incroyable, incroyable mois de novembre. incroyable, wonderful, qui a vu la sortie du dernier Astérix. Astérix, c'est le domaine des dieux. Ah. Alors on n'a pas été, voilà, on va, de toute façon, je pense que les positions vont être un peu les mêmes. C'est pas que je sais que Chronos l'a apprécié un peu plus que la moyenne. Et Un que peu tout plus que le la monde est moyenne de nous deux, en fait. voilà, Oui, c'est voilà. ça. C'est ça. Sauf que voilà, tout le monde, on a quand même on a mis quelques réserves non approuvées par Chronos. Non approuvé, j'ai jamais dit ça, mais. Et donc, alors, juste voilà, le film, ça fait déjà plaisir de voir. Je pense que je dois pas me tromper en disant que c'est le meilleur film d'animation Astérix. Qui est vu le jour Sans depuis bête. le début, hein, parce que on se souvient de la dernière émission, on avait fait un splendide dossier sur Astérix, sur les sorties désastreuses des films, même qu'à l'époque, après le premier film, en fait, ils étaient tellement sûrs d'avoir fait un joli truc qu'ils en avaient déjà produit deux autres qui ont fini dans les flammes de l'enfer, hein, dira-t-on, en tout cas dans les flammes de la cheminée de René Goscinny. Donc voilà, bon, je m'éparpille, mais bon, ça reste un bon film où il manque juste en fait un peu plus de liant pour en faire un film tel qu'on aura pu auquel on aura pu nous attendre. Donc c'est pas un mauvais film, hein, personnellement je le pense, c'est pas un mauvais film, c'est juste que voilà, il manque quelque chose pour en faire un grand film d'animation. Chronos. Hein. Oui. oui, non mais. Après, on a le droit de pas être d'accord, attention. Ouais, non mais après, je considère pas que le film est super génial ou autre. Ah. Attention, c'était juste pour t'embêter. Ah. Mais Je suis d'accord. en fait, c'est surtout que je pense que si j'avais vu le film étant gamin, comme j'avais autant apprécié les autres, même si les autres finalement qu'on a vu, c'était pas terrible, mais celui-là, je pense que j'aurais pris du plaisir à le voir. Et effectivement, quand j'étais allé le voir, j'ai pris du plaisir à voir et j'étais content. J'étais content en fait quand je suis sorti du film. C'était pas incroyable, mais j'étais content d'avoir affaire à un bon film Astérix qui respectait bien la BD et qui se foutait pas de la gueule du spectateur. C'est surtout ça en fait que j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve ça, enfin, je trouve que c'est vraiment honnête comme film. C'est vraiment quelque chose qui est bien écrit, bien réalisé. Et justement, j'attends surtout le prochain en fait ce qu'ils vont faire pour la suite, voir s'ils vont capitaliser sur ça et qu'ils vont faire un truc encore mieux écrit, avec en corrigeant les petits défauts qu'il y a, parce que il y a des petits défauts et voilà, moi je trouve que c'est un bon premier film et qui augure que du bon pour la suite. Tout à fait. Et, oui. Tuntun, toi ton avis, Bah, 2 mois après l'avoir moi vu? je suis un peu entre vous deux en fait, mais enfin plus de ton côté roman en fait, mais non, c'est un film, un bon film. Faut pas oublier que c'est le premier film long métrage de Louis Clichy et que c'est pas si mal pour un premier film, je Moi, ce qui trouve, t'a attendu en plus, hein. voilà, et que à mon avis le budget était pas non plus très élevé. Et voilà, au niveau design et tout, il est vraiment cool. Techniquement, il y a des. Alors les personnages sont très bons, je trouve. Après, les décors, enfin, je les trouve un petit peu vides en termes d'animation. Mais voilà, moi, ce qui m'a le plus dérangé, en fait, c'est au niveau de l'écriture, où je l'ai. J'attendais plus, j'attendais un truc plus drôle, plus mordant, plus punchy aussi dans l'écriture. C'était pas vraiment le cas, mais voilà, c'est quand même un film agréable et je Après, on pense que. retrouve beaucoup la patte d'Alexandre Astier. Ouais, mais qui se mélange bien avec la patte de Goscinny. Oui, c'est sûr. Je trouve ça un humour assez proche globalement. Mais après c'est je trouve en termes de voilà d'écriture les vannes etc. Ça sort pas au rythme où j'aurais aimé que ça sorte, en tout cas pas aussi drôle que ce que j'espérais, mais en tout cas oui, comme tu disais Chronos, il y a clairement matière à faire un très très bon film par la suite, et je pense que ça a montré que en tout cas que déjà on pouvait réaliser un film sur un album complet. Et que en plus, il y a vraiment matière à faire quelque chose, quoi. Et bon, on reste pas sur les ersatz d'Astérix qui était Auparavant. sorti auparavant, ouais. Tout à fait. Ben, voilà, je pense qu'on a terminé en tout cas sur cette année 2014, en tout cas en ce qui concerne le film d'animation, puisqu'en décembre on a vu ensemble qu'il n'y avait que Le Chant de la Mer, hein, qu'on a chroniqué juste avant. Alors vous, qu'est-ce que vous retiendrez de cette année 2014, une année riche, de toute façon, Ouais, en animation? moi j'ai beaucoup aimé, plus que l'année dernière, enfin l'année 2013, qui était assez rachitique, enfin il n'y avait pas beaucoup de très bons films. Là, entre Le Vent se lève, Lego Movie, Kaguya, Dragon 2, Le Garçon et le Monde, les Box Trolls, enfin il y a vraiment eu beaucoup de très bons films. Il y a eu par contre le problème, c'est qu'il y a eu des trous, je trouve. Oui. Sur l'été, après Dragon 2, il y a rien eu jusqu'à fin septembre, début octobre. Et puis c'est pareil, mars-avril, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Il y a eu des gros trous, mais sur des périodes beaucoup plus courtes, à certains moments, il y a eu des très très bonnes choses. C'est un peu le cas cette année aussi, hein, du coup. En 2015, ouais, ça va être un peu pareil, je pense. Il y a des périodes de vide. Après, c'est vrai que on en parlait un petit peu avant, c'est vrai qu'il manquait un petit Pixar Disney, quoi. Mais c'est vrai que la sélection est quand même vachement éclectique, on l'a vu, il y a eu du Ghibli, du stop motion, du 3D stop motion avec Lego The Movie, et même du film français, mais c'est Ouais, vrai de que la 2D. je pense que le gros souci, c'est qu'il manquait vraiment un film de Noël, en fait, parce que je compte pas les pingouins de Madagascar, c'est Mais une honte il manque comme film de Noël, il manque mais Big il Hero manque. 6. Ouais, il manque Big Hero 6, en fait. C'est vraiment dommage qu'il ait mis sur février. Ça aurait bien terminé l'année, mais franchement, en fin d'année, il y a eu Astérix. Heureusement qu'il y a eu Astérix, évidemment. Mais. Quand vous dites Mais. Big Hero 6, vous voulez parler de. Les nouveaux Les héros? nouveaux Voilà, héros, ouais. merci. Ouais. Je trouvais pas dans la liste. Pardon. Le prochain Disney qui sort du coup en mois de février là, et on sait pas du tout pourquoi Que ils ont tout le monde a décalé déjà vu. ça. Ouais, comme tout le monde a déjà vu apparemment. Ouais. Donc voilà. Très bien. Je, voilà, je suis assez d'accord. Je vais pas être original en disant je pense un peu la même chose que vous. Hein. C'est vrai que ça fait plaisir. Du coup, hein, c'est une année assez particulière parce que c'est là aussi le. Alors, c'est les derniers films de Miyazaki, de Takahata. Certainement, ouais. Takahata, il a pas annoncé sa retraite, mais bon. Vu qu'il a mis 8 ans, 8-10 ans à faire Kaguya, Kaguya, ouais. c'est quand même des projets qui sont extrêmement longs et fatigants à la longue sur notamment sur une période de production qui est quand même extrêmement longue sur ce film. Et puis voilà, c'est des surprises aussi comme bah, Lego Movie. Personnellement, je n'attendais pas forcément grand-chose. J'avais un peu ce côté J'étais aussi. assez sceptique au début, moi aussi. Voilà où t'as ce côté promotion forcée sur l'univers Lego, mais c'est tellement bien amené que finalement on en redemande et surtout des films d'animation qui prennent pas non plus le spectateur pour un idiot et juste pour un consommateur de produits dérivés quoi. Donc c'est vrai que là-dessus c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, comme le dit Chronos aussi, c'est des films 2D, des films 3D, des films en stop motion, des techniques d'animation qui se veulent différentes, complémentaires. Je vois Tantilda, c'est un procédé aussi, c'est une palette graphique originale qui passe très bien, qui change de ce qu'on Puis peut c'est voir français. habituellement. C'est français en plus, donc voilà, ça rajoute en plus. Au fait on n'a pas forcément beaucoup de moyens, en tout cas voilà des moyens démesurés à l'image de ce que peuvent avoir les Américains ou exceptionnellement le studio français qui a fait bah, Moche et Méchant, mais Illumination Illumination, MacGuff. voilà, tout à fait. Mais pour le coup, ça montre que. Alors on parle de Tantilda, l'année dernière on pouvait parler aussi de Loulou l'incroyable secret, qui est pas. Qui comme ça, si on connaissait pas les livres jeunesse, on n'était pas non plus captivé par ça. On n'était pas forcément le film qu'on allait forcément voir en premier. Pourtant, c'est un film qui avec un vrai potentiel et qui montre que en France aujourd'hui encore, on peut faire des choses vraiment très intéressantes comme aux États-Unis, comme au Japon, Ouais, mais avec des alors, moyens qui sont différents. ça montre aussi que, et là on va encore en avoir, enfin on en a eu l'illustration encore sur le Champ de la Mer et on l'aura encore l'année, enfin 2015, c'est que malheureusement, à part Folle Image, il n'y a plus de films purement français. Enfin, je dis malheureusement, mais c'est surtout lié à des problèmes de financement. Où tu regardes Le Champ de la Mer, c'est produit par 5 studios de 5 pays différents. Le Loulou, c'est pareil, il y a Mélusine qui était sur le projet, donc le Luxembourg. Enfin, il y a toujours la France, le Luxembourg, la Belgique, il y a l'Irlande qui se met dedans, il y a aussi le Danemark, il y a les pays de l'Est aussi qui sont très actifs, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir un financement en France, même si le CNC aide pas mal. Ça reste très pauvre quand on compare à la production cinéma française, production live, avec notamment toutes les comédies françaises qui ont des budgets de dingue alors que c'est de la merde. Là, on a enfin, au niveau animation, on est un des pays, je veux pas dire de conneries, mais pour moi, on est avec les États-Unis et le Japon, on est très clairement on va dire les fers de lance de l'animation mondiale. Parce qu'il y a aussi une Avec une vraie tradition patte, de etc. Voilà. Et une tradition de tradition, on a formation des, aussi, hein. on voit, on a des très bons animateurs qui partent à l'étranger, etc. Et malheureusement, les studios ont de plus en plus de mal à trouver des financements pour des longs métrages. Ils se réorientent, beaucoup se réorientent plus vers le court ou la série télé sur des formats courts. C'est de plus en plus difficile et quand on voit les entrées sur l'année 2014 du cinéma d'animation, j'ai peur que ça continue à décliner parce que bah sur les tops il y a forcément les très attendus comme Dragon, Lego Movie, Astérix, voilà, mais tous les bah déjà les Ghibli ils font plus d'entrée. Le Chant de la Mer a très mal fonctionné, j'ai l'impression. Le Garçon et le Monde, j'en parle pas. Tantilda, ça a pas marché non plus. Peabody et Sherman, ça fait beaucoup moins qu'espéré. Il y a beaucoup de films de très bonne qualité qui sortent, et malheureusement qui font des entrées faméliques, quoi. Et du coup, ça va être de plus en plus dur à trouver des financements en France et en Europe. Et puis même dans le monde, puisqu'on voit Disney l'année dernière et DreamWorks cette année qui licencie, qui ferme des studios, etc. Au niveau de l'animation, je trouve on est très innovant ces derniers temps et malheureusement les gens ne vont pas voir ou vont de moins en moins voir, je trouve. Donc je trouve ça assez dommage, quoi. Très bien. Alors, on va parler rapidement des séries qui nous ont marqué, qui nous ont plu en tout cas sur l'année 2014, au niveau de l'émission, au niveau de Celluloid. Alors, Toon, toi, tu as sélectionné trois séries, donc Kill la Kill, Ping Pong et Ouais, Space Dandy. que du japonais. Tout à fait. Parce que j'ai ouais, ben en fait j'ai pas T'as pas honte? j'ai pas de chaîne qui diffuse j'ai pas Nickelodeon, j'ai pas Cartoon Network. Donc déjà toute la production américaine, je passe un peu à côté. Et pourtant il y a des très très bonnes choses dans la production américaine aussi. En France, j'ai pas de série référence, en tout cas pas qui m'ont autant marqué que les trois séries que t'as citées là juste avant. Du coup, Kill la Kill, qui est la série du studio Trigger, qui est par les créateurs de Gurren Lagann et qui est une claque absolument monumentale au niveau animation, au niveau créativité. Et pourtant, le budget est assez faible et ils arrivent à sortir des trucs qui sont tout le temps dans l'innovation. Et en plus, enfin voilà, ça part dans tous les sens. Kill la Kill, c'est incroyable visuellement et l'histoire est complètement tarée avec des personnages complètement tarés, des fois qui vont très très loin, voire beaucoup beaucoup trop loin. Il y a des trucs ultra limite Oui. Bah le début déjà le début le premier épisode où le prof fait un cours sur Hitler enfin bref, voilà. Ouais, non, mais oui, mais ça, à la rigueur, Ça va. C'est c'est. Enfin, soft. voilà, et puis ça reste. C'est une sorte de clin d'œil, on va dire, mais c'est surtout. Moi, je pense à des relations incestueuses qui vont assez loin, Oui. qui sont assez dérangeantes. Mais est-ce que. Enfin, voilà, on a énormément parlé de cette série pour le fanservice, etc. Mais c'est un fan service qui s'assume à fond et qui va tellement loin que bah en fait ça devient génial et en plus c'est pas juste des filles à poil parce que ils ont réussi assez bizarrement à créer une histoire tout autour de la perte de vêtements etc. Oui. Et en plus ils font pas que les filles puisque t'as tout le monde qui finit à poil de toute façon dans cette série, les mecs, les En meufs. slip, en slip, en slip. Bah non, il y a les Nudist Beach Oui, c'est vrai, oui, pardon, oui, tout à fait. avec leur ceinture. D'ailleurs, ça donne des cosplays assez ouf. À Japan Expo, il y a Ouais, eu des trucs assez. et on avait eu le droit à ça, ouais, c'est clair. Des Mais Staline aussi. voilà, niveau. Je pense que c'est un. Je peux pas dire un tournant parce que c'est tellement à part et ça va tellement loin, mais c'est une série qui est déjà culte. Enfin, la série n'était pas finie que déjà tu savais parfaitement que ça allait marquer l'histoire de l'animation au Japon parce que c'est bourré de créativité, ça va tellement loin, c'est complètement Et puis fou. Mako, quoi, on oublie, mais Ouais, Mako. Mako qui est un personnage incroyable et qui est super drôle et qui a un design qui tranche énormément avec l'agressivité des autres personnages. Et, enfin voilà, ça va dans tous les sens. C'est un peu, je pense que ça a un peu, enfin ça a même plus d'impact à mon avis que ce qu'a pu être Gurren Lagann à l'époque ou Fooly Cooly je pense que ça arrive presque au niveau de l'impact de Cowboy Bebop quoi. C'est vraiment Ouais, c'est à pas mon faux. avis c'est un truc qui a jamais été vu dans l'animation japonaise et voilà c'est allé très très loin et bah, après sur les deux autres séries donc il y a eu Ping Pong qui est une adaptation d'un manga de Taiyo Matsumoto. Dans lequel on retrouve vraiment son design et une animation très précise et très fluide qui est magnifique. En plus, la mise en scène sur le ping-pong est assez géniale. Et il y a en plus le propos de la série qui est très très très très bien. La série fait 13 épisodes, je crois. Peut-être un peu moins, 12 ou 11 ou 12, mais c'est juste le format qu'il faut. Enfin, s'il y a un début, une fin, l'histoire, la façon dont elle se déroule et tout, c'est parfait. Et c'est une superbe série. Et il y a un côté très ligne claire, ça va te faire plaisir, Romain. Il y a une esthétique assez proche de la ligne Occidental. claire, pas, enfin vraiment ligne claire avec ses aplats de couleurs, etc. Qui est vraiment intéressante et assez comment dire rafraîchissante. Voilà. Et puis bah la dernière c'est Space Dandy donc Shinichiro Watanabe qui fait un omnibus, une sorte de série omnibus avec tous les meilleurs créateurs du Japon et tous les meilleurs animateurs, etc. Oui, il y a aussi des. Alors, à chaque fois, en plus, il y a des. C'est pas le même staff sur les Voilà, à épisodes, chaque donc. fois, ouais, il y a des. Il y a France, il y a Thomas Romain qui a travaillé sur le Sur le design des design, vaisseaux. notamment du vaisseau, la tête de Les la deux, hein, liberté le. du Docteur Gel. Oui, Notamment. il a bossé sur l'Aloé. Je sais plus comment c'est le nom du vaisseau de Space Dandy. Aloé, je sais plus quoi. Mais Et oui. il y a aussi, bah, y a aussi des artistes autrichiens, quoi, un artiste autrichien, alors j'ai oublié son nom également, mais voilà, Baijide. il y a une vraie Et puis, en fait, chaque épisode a un directeur différent, enfin un réalisateur différent, un designer différent, etc. Et donc, en fait, ils ont une banque commune, si tu veux. Ils ont l'univers créé par Watanabe et ils vont l'enrichir avec leurs pattes et du coup on retrouve vraiment des épisodes totalement différents les uns des autres avec chacun la patte du réalisateur et tout où tu reconnais il y en a tout de suite dès les premières secondes tu vas reconnaître qui l'a réalisé quoi et en même temps il y a cet univers incroyable que Watanabe a créé qui est une sorte de mélange de Cowboy Bebop avec du Samurai Champloo et des personnages complètement tarés Oui, et puis même en termes de référence, il y a notamment un épisode sur alors un épisode sur les zombies, un épisode sur Un jour sans fin, ouais ouais reprenant Un jour ouais sans ah, qui est fin. magnifique cet épisode il est incroyable aussi et en fait ouais voilà il y a 26 épisodes c'est divisé en deux saisons de 13 épisodes et en fait, alors il y a des épisodes qui sont un petit peu en dessous, qui sont moins intéressants, etc. Mais globalement, l'univers, ce qui est raconté, il y a des épisodes super poétiques, il y a des épisodes où ça part dans tous les sens. y a des courses dans l'espace, il y a le boobies, il y a plein de trucs et c'est génial. C'est vraiment une série que je recommande et avec Kill la Kill et Space Dandy, on a eu deux très très grandes séries d'un coup, en une année. On a eu deux trucs, deux ovnis au niveau de l'animation et qui sont vraiment incroyables, quoi. Très bien. Alors moi, je vais rebondir un peu aussi là-dessus. J'ai pas mis Space Dandy, mais parce que j'ai pas vu tous les épisodes, donc voilà. Mais Kill la Kill en fait largement partie. Je citais également Parasite, donc l'adaptation du manga du même nom qui était sorti en France il y a une dizaine d'années, qui fait l'objet. Alors ils se sont intéressés d'un coup à Parasite, donc du coup il y a un film live qui est prévu. Il y a cette série qui est en cours et qui est vraiment d'un très très très très joli niveau technique, ne serait-ce que par rapport aux phases de morphing de la main, parce qu'on pour résumer l'histoire, c'est des parasites qui arrivent sur Terre et qui prennent place dans les cerveaux humains, sauf un qui n'arrive pas et en fait qui se retrouve bloqué dans la main, et du coup en fait il a une capacité de morphing, de pouvoir se transformer en lame tranchante ou en ce qu'il veut. Et toute la relation entre la personne qui l'hôte et le parasite en fait va être au cœur de la série. Donc pour l'instant c'est vraiment très très bien fait, très très bien réalisé, donc voilà. Et puis alors c'est sanglant par contre, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, et ça concerne vraiment, c'est pour un public adulte et averti, en tout cas adolescent, plus de, on va dire 15-16 ans. La dernière série que j'ai bien appréciée, ça s'appelle Terror in Resonance. C'est également une série réalisée par Shinichiro Watanabe, qui ne prend donc pas de vacances, qui n'a pas pris de vacances en 2014. Et c'est une série de 11 épisodes, hein, qui suit en fait deux adolescents qui se retrouvent, qui mettent un peu le Japon en... qui prennent un peu le Japon en otage avec une bombe atomique qu'ils ont récupérée, que l'on voit en fait dès le premier épisode. C'est vraiment sympa, c'est vraiment sombre au niveau de l'univers, très réel. Le dessin est pareil, assez sombre, mais j'ai adoré le design des personnages qui est vraiment super sympa. Et bon, qui est classique, mais vraiment qui colle bien avec l'univers. Et puis voilà, une série en 11 épisodes, ça fait du bien aussi d'avoir des séries qui se concluent assez rapidement et qui n'ont pas besoin de faire des suites de suite, des épisodes en plus, etc. Donc 11 épisodes, c'est pas mal, et en ce moment c'est aussi un peu la mode au Japon de faire des séries qui restent, qui dépassent pas forcément les 13 épisodes, en tout cas pour une saison, alors qu'avant on avait davantage, 26 épisodes pour une saison. Là c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'animation est en crise au Japon. Ça, en tout cas, ça fait partie des conséquences, avec des séries qui sont moins longues sur la durée, qui prennent moins de risques à ce niveau-là. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour 2014. Tout à fait. On est pas mal, hein? Et donc du coup, on va pouvoir s'attaquer au planning de sortie. Alors on va pas faire toutes les sorties pour 2015, parce qu'il y en a quand même un paquet. On va prendre les principales, on va parler des principales, de ce qui est prévu en termes de films d'animation pour l'année à venir. Alors déjà, bon, Souvenir de Marnie, le premier, le dernier film Ghibli, donc on en a parlé rapidement tout à l'heure, qui est déjà sorti au moment où nous enregistrons l'émission, mais qui n'a pas forcément de très bons résultats par rapport à ce qu'on pourrait escompter Ouais, pour un... il fait une première semaine à 70 000, je crois, Ouais. ce qui est le plus faible, un des plus faibles démarrages d'un film Ghibli en France, et qui est notamment nettement plus faible que celui de Kaguya, qui était déjà assez pauvre. Donc ouais, ça sent pas bon pour les films Ghibli en France. Très clairement, vous attendez quoi, vous, comme film sur l'année 2015? Alors déjà le prochain Disney, sans hésiter, les nouveaux héros. Je pense pas que ce sera le film incontournable, mais Mais il a l'air vraiment divertissant, vraiment joli. J'en attends pas mal. Bob l'éponge aussi, le mélange live 3D, Oui. ça a l'air vraiment chouette. C'est clair. Vraiment sympa. Shaun le mouton, pourquoi pas, c'est du Hardman, donc à voir. Ah, c'est génial. Alors, la série est géniale, donc Ah, ok. On a déjà un On sent fan. pas le mec, tu sais, qui a un parti pris, quoi. Ouais, mais je pense que Tuntun, t'es du même avis que moi. Moi je suis d'accord, j'attends avec impatience. Le teaser était cool, Ah ouais, il est génial. les épisodes sont vraiment super drôles, et puis c'est toujours cool de revoir Hardman au cinéma, donc voilà. Vice versa, le prochain Pixar, j'étais un peu sceptique sur le premier teaser, mais la bande-annonce qu'ils ont montrée, avec la scène du dialogue entre les parents et la fille, j'ai Oui, vraiment trouvé ça ouais. excellent. Plus J'attends il y en beaucoup. a, plus on en voit, Ouais. plus il est intéressant, je trouve. Bah, Les dans mini. le... Oui, Pardon, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Non, non, c'est juste pour dire, dans l'esprit, Vice versa, ça me fait penser, en fait, au premier film Pixar, hein, où ils expliquaient, qu'ils allaient un peu chercher, genre mille et une pattes, c'est parce qu'il s'intéressait voilà au monde du tout petit, du très petit, etc. Pour le Toy Story, c'est les jouets qui prennent vie. Monstres et compagnie, c'est les monstres qui se cachaient derrière les placards. Voilà, il y a toute cette imagination qui travaille. Et je trouve que dans l'esprit, en tout cas dans ce qu'on a vu par rapport au personnage présenté, j'ai l'impression de retrouver un peu cet esprit-là du début, après avoir évidemment ce que va donner le film, mais par rapport au dernier Pixar qui était, je trouve, assez décevant par rapport à ce qu'on peut en attendre. Monstres et compagnie? Ouais. Non, mis à Non. part Monstre Academy. Non, Non, peut-être Rebelle ou les ouais. Cars, ce truc comme ça. J'ai Rebelle en tête, notamment quand je parle. Évidemment, Monstre Academy reste un excellent film, mais voilà, c'est une suite, et voilà, dans l'esprit, on est un petit peu loin de ce côté défricheur qu'ils avaient quand ils ont fait leur premier film. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ils reviennent plus à de l'imaginaire, en fait, ce qu'ils avaient mis en place avant. Genre, ils Exactement. trouvent un concept et on essaie un peu de faire rêver les enfants et de laisser cours à leur imagination. Tout à C'est peut-être fait. ça, justement. C'est pareil avec The Good Dinosaur. Il y aura peut-être ce principe-là aussi. Il faudra voir ce qu'ils font, mais Parce qu'il y aura on en deux reparle pas Pixar en mal. 2015. Hein. Ouais, Deux Pixar, Good Dinosaur, quel Disney de fin de Noël, en fait. ouais. ouais. Toi, Tuntun, par rapport à ce qui a été prêt, par rapport à ce que dit même. Ben moi, alors, au mois de février, il y a beaucoup de choses. Donc, comme tu disais, les nouveaux héros, Bob l'éponge. J'attends beaucoup aussi. J'ai hâte de voir Gus, petit oiseau, grand voyage. Le film de Timto, donc un film français, monsieur, et qui a l'air assez intéressant. Alors, je pense que ça va être vraiment pour les petits. Mais j'aime bien l'esthétique et j'aime bien la promesse du film. Après, donc oui, Shaun le mouton. pardon. En route, que j'attends avec impatience. Non, je déconne. En route, qui est le titre français de Home. Donc, après les nouveaux héros, ils trouvent des vraiment bons titres. Ah oui, c'est Ok. clair. Allez, en route. Ouais, vice versa, donc qui est... Qui me fait moi énormément penser au sketch de Pérus sur le cerveau. Et Exactement. alors, c'est vrai que ça a l'air. J'avais un peu peur au niveau du design au début. Ça me faisait penser un peu. Alors, c'est complètement con ce que je vais dire, mais au design du générique de Ma Carlos? sorcière bien-aimée. Ah oui. Il y a un petit peu de Carlos aussi, hein, quand on y regarde bien. Il y a un peu de Carlos, en effet. T'avais référence de nulle part, quoi. Bienvenue D'ailleurs, dans la Twilight ça se Zone. trouve, on va avoir un Carlos apparaître dans le film. Oh, ce serait bien. Tu nous marques. Il te fait des big bisous, Big bisou. le Carlos. Ouais, Alors, donc, ouais, oui. vas-y. Non, parce que il y en a un qui fait pas partie de la liste, mais qui moi j'attends quand même beaucoup. C'est le prochain Mamoru Hosoda, qui doit Ah sortir. oui, c'est vrai, c'est Ah, 2015. c'est vrai, The ça Bug a oui, l'air bah bien, ça c'est a le l'air film bien de ça. l'année, donc Ouais. déjà ça c'est réglé. Tout Donc est dans la mesure, hein. Tout est dans la mesure, hein. C'est Astérix 2014 et le Hosoda 2015, c'est franchement. ça, le doublé, quoi. Non mais oui, effectivement, Hosoda, en plus qui risque d'avoir une. Enfin il risque. Il va. Il aura la chance, C'est pas. sûrement. Ouais, voilà, C'est il ça. aura la chance d'avoir normalement une belle distribution. Puisque C'est Pathé, hein, qui a c'est Gaumont. Ah, c'est Gaumont, pardon. Oui, pardon, t'as raison. C'est Gaumont qui a récupéré la distribution. Et voilà, j'espère une grosse distribution. Le dernier, donc c'était Les Enfants Loups, il avait fait une belle carrière en salle. Ouais, en plus, il a l'air assez intéressant. Sinon, dans les films, il y aura pas mal de films français. Il y a Phantom Boy, le prochain Folie-Image, qui a l'air très intéressant. Le Petit Prince aussi, qui est. Alors, il y a Moon et Le Petit Prince, qui sont tous les deux réalisés par Onyx Film, et Microcimage, qui bosse aussi sur Moon. Et les deux ont l'air très intéressants. Le Petit Prince a eu une bande-annonce il y a pas longtemps. Super joli, avec un côté 3D, un côté stop motion, et avec un beau mélange des deux. Et Moon, il a l'air techniquement et au niveau du design, esthétiquement, il a l'air très réussi. Il a été diffusé au Carrefour de l'animation au mois de décembre, et apparemment beaucoup de monde, enfin beaucoup de personnes ont été emballées. Donc vraiment, j'attends avec impatience celui-là. Et puis bah après, ouais, il y a The Good Dinosaur, il y a Tout en haut du monde, dont tu m'avais parlé l'autre fois, Chronos, qui est un film réalisé par le studio danois Nordlum, qui a bossé aussi sur Le Chant de la Mer très récemment. Ouais, ça a l'air vraiment, vraiment magnifique. Ouais, il y a une esthétique vraiment folle. Et ouais, il a l'air très très bien. Il n'y a pas de date de sortie, mais il dit juste second semestre 2015, donc Ouais. ce sera plus après l'été. Et j'ai aussi, et il est pas dans la liste non plus, mais alors je sais pas s'il sort pour 2015, et je suis pas sûr. J'espère qu'il va sortir pour 2015. C'est le film Utafukaze, réalisé par le studio 4C, Ah oui. dont on a vu une image encore là y a, la semaine dernière, qui est j'attends avec impatience, parce que en plus ça va correspondre à peu près avec la sortie de Mutafukaze 5, le dernier tome de la série dessiné par Run. Donc ouais, j'attends vraiment avec impatience ce film. En plus, Studio 4C, qui est un très très bon studio d'animation L'animation, ouais. japonaise. Ouais, mais l'année 2015 s'annonce vraiment énorme, Costaud. avec beaucoup de films, pas mal de styles différents. Et il manque juste, voilà, il va juste. Ah bah non, j'allais dire, il va manquer le stop motion, mais il y a Shaun. Bien sûr. Donc il y aura tout en fait. Et le Snoopy aussi, j'attends la bande-annonce, c'était celle qu'on a vue en tout cas la fin de l'année dernière était plutôt sympathique, donc j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. À voir sur un long métrage, ouais. Parce que c'est Blue Sky en plus derrière, donc voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour ces sorties-là. La sortie 2015, hein, qui donc de toute façon on vous en reparlera tout au long de l'année dans le cadre des prochaines émissions. Ça laisse quand même pas mal de choses à voir et pas mal de films à aller voir en tout cas au cinéma. Et donc on a quasiment terminé cette émission. Je vais juste rapidement revenir. Hein, du coup, sur l'expo Ghibli au musée Art Ludique que l'on a évoqué un peu plus tôt dans l'émission. Donc, je vous en voilà, je vais faire un petit topo de 5 minutes. Alors l'Expo Ghibli, donc l'Expo Ghibli qui va se dérouler jusqu'au mois de mars 2015. Alors j'ai eu la chance d'y aller le week-end dernier. Il n'y avait pas grand monde le dimanche soir, donc c'était plutôt cool parce qu'en plus on était hors période de vacances scolaires, donc ça allait vraiment. C'était plutôt sympathique de pas être de pas avoir trop de monde. Il y avait un petit peu de monde, mais rien de méchant. Alors déjà une chose qui est vachement bien, c'est que y a des audio guides et les audio guides sont gratuits. Y a pas à payer de Ah, ça c'est supplément. Donc cool. au Ça début c'est moi je vachement bien, pensais, ouais. et en fait en revenant, la personne qui s'occupait de ça m'a dit non non c'est gratuit, vous pouvez le récupérer. Donc déjà ça c'est un bon point. La première partie, alors la première partie, il est important de la faire parce qu'en fait, ils expliquent, on va dire, tout ce qui est, tous les détails, toutes les informations qui sont présentes sur un layout. Le layout, on va dire, pour résumer, hein, c'est le dessin préparatoire, en tout cas le dessin qui va permettre de comprendre la ligne à suivre pour le film, pour ce que ça donnera au final, en termes d'animation. Ça commence, en fait, c'est vraiment bien fait. En fait, on retrouve, y a d'abord un layout par film pour tous les films du studio Ghibli. Donc, on retrouve les classiques, hein, Le Château dans le Ciel, Ponyo sur la falaise, jusqu'au dernier, Kaguya. J'ai un doute, je crois qu'il y a Marnie, mais j'en suis pas sûr. Je voudrais pas m'avancer là-dessus. Et en Et fait, après, on peut. j'avais entendu qu'il y avait Marnie, ouais. Et après on part sur une sur en fait sur l'historique. On commence dès le début avec Nausicaa, même si Nausicaa ça n'a pas été produit, le studio Ghibli n'existait pas, mais en tout cas on y retrouve l'ossature telle qu'elle sera quand le studio sera créé. Après il y a énormément de. Alors ça c'est vraiment bien, c'est qu'il y a énormément de layout sur. Parce que moi c'est un film que j'adore, c'est Le Château dans le Ciel. Qui permet de comprendre tout en fait, notamment de voir voilà comment toutes les subtilités, le travail sur l'animation. Et c'est vraiment à chaque fois c'est super chouette à regarder quoi, même en écoutant du coup le commentaire qui nous explique bien pourquoi ils ont fait ça de telle façon, pourquoi ils ont travaillé de telle façon, etc. C'est vraiment bien fait et c'est très très complet. Alors il y a aussi des choses, on va dire, qui sont un peu moins sympas dans le sens où c'est dommage, puisque par exemple, Kiki la petite sorcière, il y a eu beaucoup de layouts qui ont été détruits. Ils ont juste gardé, en fait, la seule chose qu'ils présentaient sur Kiki, c'est un plan au début du film, en fait, où on la voit traverser la ville, et il y a un espèce de plan qui la suit tout au long d'un bâtiment. Avec un effet de rondeur qui accentue la vitesse de Kiki. Mais mis à part ça, il n'y a pas eu beaucoup de documents qui ont été récupérés. Il y a évidemment, il y a les classiques, il y a les Totoro aussi qui a droit à une belle mise en avant. Il y a du Takahata ou pas? Il y a du Takata. Alors justement, ce que moi Comme Coco? j'ai. Il y a tout en fait. Il y a Takahata, il y a. Alors, dans le bouquin, j'ai retrouvé les contes de Terre-Mère, mais je n'ai pas souvenir de les avoir vus dans l'expo, parce que les contes de Terre-Mère ont été réalisés par Gorō Miyazaki, comme la colline au Coquelicot d'ailleurs. Mais je trouve que les layouts en fait de Takahata sont beaucoup plus propres. Alors, quand je dis beaucoup plus propres, c'est qu'ils sont beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de détails. Même si bon, il y a des films, voilà, comme Les voisins des Yamada qui n'en demandent pas tant. Mais par exemple sur Le tombeau des Lucioles ou sur Pompoko, j'ai l'impression qu'il y a moins de détails que sur les films de Miyazaki que j'ai pu citer auparavant. Il y a une grande place qui est donnée à Princesse Mononoké, Chiro. à Chihiro, avec une scénographie qui est vraiment superbe, notamment Chihiro en fait, où à un moment on rentre et on voit en fait qu'on s'appelle l'établissement de terme Ouais. où Chihiro va travailler. On passe aussi au début je comprenais pas trop ce que ça faisait là, mais en fait ils ont recréé le couloir qui mène au bureau de Yubaba, et des espèces de grands vases, des miroirs partout, du carrelage. Et en fait, plus tard, on voit donc l'image, et ça permet de faire le rapprochement entre les deux. Il passe aussi en même temps, il y a un reportage qui a été fait il n'y a pas longtemps sur Miyazaki, donc je crois que c'était par la télévision japonaise. Donc il le passe en continu dans une salle, la salle notamment où sont présentés les dessins préparatoires du voyage de Chihiro, pardon. Alors que dire de plus? Alors déjà, sur la fin, on a été un petit peu pressé parce que le musée allait fermer, donc on a passé assez rapidement sur certaines choses, donc c'est un peu dommage. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il montre en fait aussi ce qu'a pu faire Takahata et Miyazaki au niveau des layouts, avant. C'est-à-dire que moi j'étais avec des amis qui, bah, qui savaient pas en tout cas que par exemple Sherlock Holmes, c'est une série qui a été réalisée par par Miyazaki. Et donc ça permet de faire des ponts aussi entre entre les choses qui ont pu passer à la télé, le travail de Miyazaki ou même de Takahata avec Heidi. Donc on retrouve du Heidi, on retrouve Horus. pardon. Horus. Aux Russes aussi, oui, il y en a un ou deux. Il y a aussi Conan, le fils du futur. Il y a le château de Cagliostro qui est présenté. Donc ça permet, je trouve ça vraiment sympa du coup de pas s'arrêter uniquement au studio Ghibli, mais aussi à ce qui a pu être fait avant. Et bon, évidemment, on retrouve la princesse Kaguya, qui sont, je trouve, les dessins sont vraiment magnifiques. Hein. C'est vraiment, voilà, je trouve que ben, ce que je trouvais moi déjà sur le layout précédent sur Pompoko et sur le tombeau des Lucioles était encore évidemment plus accentué sur les contes de la princesse Kaguya parce que voilà l'esthétique utilisée pour le film fait que ben justement ça se ressent au niveau des layouts. Pour finir, alors ils font un truc assez sympa, c'est qu'en fait ils proposent un espace où ils nous prennent en photo gratuitement également là aussi, parce qu'en fait ils nous envoient la photo par mail. En gros, ils nous prennent en photo dans un décor de layout, et ça nous fait ressortir un peu avec cette espèce de crayonné qui fait qu'on s'intègre parfaitement au travail dessiné. Donc l'expo, alors faut quand même compter pour tout faire, pour écouter tous les textes, pardon, tous les commentaires audio. Je pense qu'il faut au moins minimum 2 heures, hein, pour être vraiment, pour être le plus exhaustif possible avec ce qui nous est présenté, parce que c'est quand même dense. Il y a des films qu'on n'a pas vus chez nous. Il y a notamment le clip On Your Mark qui est aussi présenté. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas qui sont pas connues en France en tout cas sur ce qui a pu être sorti au cinéma, et donc c'est sympa aussi de découvrir ces choses-là qui justement provoquent aussi la curiosité des gens de vouloir les voir, comme Souvenir goutte à goutte qui sont sortis récemment directement en Blu-ray ou en DVD. Pour finir, alors évidemment on passe par la case La case. Boutique. Pardon? Boutique, non? Boutique, absolument. Bah, on finit forcément par ça. Oui, forcément. Alors, je vous conseille, par contre, les goodies sont extrêmement chers. Bon, après, les goodies Ghibli, tout ce qui est peluche, ça a toujours été assez cher. Par contre, moi, je vous conseille de prendre le catalogue de l'expo. Il est à 36 euros, ce qui peut être considéré comme assez cher, mais. Il y a plus de 400 pages, donc autant dire que avant d'en voir le bout, faut quand même y aller. Et il est en plus extrêmement complet parce qu'il rajoute des textes pour comprendre aussi à quoi sert les layouts, toutes les informations qu'on peut avoir aussi au niveau du début de l'exposition. Et du coup, c'est super, c'est instructif et ça permet d'apprendre beaucoup et d'avoir les dessins sont quand même tous vraiment magnifiques. Après ça reste des travaux préparatoires, hein. C'est pas ça reflète la version finale, mais c'est pas de la même qualité, hein. Mais pour le coup ça permet de comprendre aussi comment fonctionne l'animation et par rapport aux couleurs utilisées, par rapport au comment dire au mince, je ne sais plus ce que je veux dire, aux consignes données pour les ceux qui vont faire les animations. Donc voilà, je conseille évidemment complètement d'en profiter, il faut absolument y aller, parce qu'on n'a pas l'occasion de voir ça souvent en France, et du coup le musée art ludique permet quand même de faire des jolies choses, et on le voit notamment avec la prochaine exposition qui sera consacrée à Hardman, ça laisse encore présager de très bonnes choses au niveau du musée art ludique, et on espère vraiment qu'ils vont nous faire rêver aussi comme ça le plus longtemps possible. Voilà, messieurs. Ben c'est très bien. Des Ça questions? m'a donné envie d'y aller. Ouais, je pense que je vais y aller dans pas longtemps. Des questions peut-être par rapport à ça ou... Non, si, ben en fait, c'est à t'écouter. Et puis, l'autre fois, je sais plus où j'ai entendu ça aussi. Ben c'est dans Silence on joue, où ils en ont parlé. Ça a l'air très technique quand même. comme expo. Ce que je veux Alors, dire, c'est que par exemple, des enfants, ça va pas spécialement les intéresser. ça va pas spécialement les intéresser. En fait, on peut le voir comme une suite de dessins, si tu veux. C'est pas non plus obscur, c'est quand même très clair dans ce qu'il a à nous proposer. Si tu veux dire, tu vois les personnages, tu reconnais les personnages, c'est pas des personnages fil de fer, quoi. Tu vois, c'est Ouais. Toshihiro, tu les Bah, reconnais. du dessin, ouais. Après, je veux dire, le texte, de toute façon, c'est du texte en japonais, donc absolu, tu comprends pas. Il y a juste, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent parfois des annotations qui traduisent en français, genre. Quand il y a Totoro qui est tout en haut de l'arbre, en fait, c'est indiqué, je veux que ce soit, bah, Miyazaki indique que qu'il veut que ce soit le directeur de l'animation qui s'en occupe et personne d'autre. Ouais. Montrant que c'est quand même un moment important du film et qui doit quand même être bien réalisé par rapport à ce que lui souhaite, Ouais. par rapport au résultat final qu'il souhaite que cela donne. Mais cette technique au début, dans le sens où, ça fait partie de la. Pour essayer de comprendre le mieux possible, voilà, il montre aussi tout ce qu'il faut comprendre, toutes les informations qui sont présentes au début. On va dire qu'il y a un vocabulaire spécifique, mais après, moi je dois, par rapport à l'audio guide, c'est quand même, c'est pas, il parle pas dans la technique, il parle plutôt dans le ressenti et dans le travail de l'époque, donc et dans la façon dont ça a été créé. Donc ça reste très très, alors je vais pas dire ludique parce que c'est pas ludique, mais il y a un côté instructif, hein, Ouais. qui permet de recouper aussi par rapport à des informations qu'on a pu lire dans les bouquins qui sont sortis, parce qu'il y a quand même énormément de bouquins d'analyse qui sont sortis en France sur le sujet, quoi. Et mais c'est pas plus, c'est pas réservé à un public particulier, hein. Vraiment, ça parle à, pour moi, ça parle à tout le monde. Et le fait de pas avoir, je suis un peu frustré de pas d'avoir dû partir assez rapidement, à la fin. J'ai profité pendant allez, 1 heure et demie, donc c'est juste à la fin, la dernière demi-heure, qui a été un peu trop juste pour pouvoir rester un peu plus longtemps, profiter un peu plus des dessins et des informations qui nous étaient données. Mais voilà, ça reste, pardon, il y a une vocation pédagogique à l'exposition, et je trouve ça très sympa, même si, voilà, le côté, déjà, les layouts, déjà, faut comprendre, faut savoir ce que c'est, faut savoir à quoi ça sert. Il y a aussi, voilà, cette introduction qui peut être un peu, je dirais pas académique, parce que c'est pas le cas, mais où il y a quand même certaines informations à intégrer. Mais après, limite, on s'en fiche et on part sur les dessins, et on reste à regarder les dessins parce que c'est comme un artbook où on aurait mis les feuilles les unes après les autres sur le mur, quoi. C'est un peu le même principe. Ok, très bien. Ben, moi j'irai. Enfin, si je trouve le temps. Il De faut monter trouver à le temps. Paris. Il Non, faut trouver le ouais. temps. C'est facile pour les Parisiens, mais pour les provinciaux, c'est moins évident. Ouais, bah, du coup, moi j'avais pas profité parce que je passais le dimanche sur Paris, donc j'avais prévenu j'avais vu qu'on avait le temps le soir, Ouais. Ouais, et donc puis ouais, je voilà, pense quoi. que c'est vraiment un truc. Parce que ça repassera pas, quoi. Il y aura pas. Non. C'est un truc unique, donc faut vraiment en profiter, je pense. Ou si ça repasse, ce sera dans quelques années, mais pas tout de suite, hein, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter pour y aller. Moi, j'étais frustré de ne pas avoir vu l'expo Pixar. J'aurais dû y aller, et me débrouiller pour y aller, même si c'était pour rester sur Paris une seule journée, c'était pas le problème. Mais voilà, l'Expo Hardman, c'est clair que j'irai aussi parce que ça me parle. Et puis voilà, il y a un tel entre Wallace et Gromit, entre Chicken Run, Shaun le Mouton, voilà, le processus de création est tellement, c'est tellement artisanal que du coup ça en devient intéressant aussi. Il y aura peut-être la possibilité, je sais pas, hein, sur l'expo sur le studio Hardman, de créer sa propre animation, de faire son personnage, voilà, quoi, comme là ils font avec la photo, la fameuse photo qui t'intègre un layout de Chihiro. Ouais, et puis je C'est pense que ça sera intéressant aussi pour Hardman de voir, parce qu'à mon avis, il y aura des pièces, des originaux et oui. tout, des sculptures de. Et du coup, ça permettrait. Enfin, ça sera intéressant à mon avis sur ce point-là aussi, quoi. Le Absolument. côté matériel. Absolument, ça c'est indéniable. C'est clair, hein. Parce que c'est, voilà, c'est un, comme on le voyait à la fin du générique de The Box Troll, l'animation, c'est pas, ça se fait pas en un claquement de doigts, comme comme Chronos nous disait par rapport à un changement de chapeau, d'accessoire sur un personnage en 3D, quoi. Donc c'est pas évidemment les mêmes outils, mais au final c'est le même temps à passer à fignoler les détails et à vouloir faire que l'animation soit la meilleure possible et qu'il n'y a pas de choses qui ne correspondent pas au final, quoi. Donc voilà, en tout cas pour cette émission, vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Non, pas Non. spécifique. Non. Bon ben voilà. On vous souhaite évidemment encore une fois une bonne année 2015, qu'elle soit riche en films d'animation, que vous ayez l'occasion d'aller voir toute l'offre qui sera celle qui est prévue pour 2015. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle émission et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment qu'il vous écoutez ce podcast. À bientôt. Salut. Salut. We'll be right back. Pour ceux qui sont restés après le générique, comme d'habitude, hein, même si on a passé une nouvelle année, on conserve les bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire qu'on va, Tuntun notamment va nous parler du cours d'après, un court-métrage qu'il a apprécié et qu'il veut nous faire partager. Oui, alors c'est pas vraiment un court-métrage en fait, c'est du Turbo Média dont on a déjà parlé, il me semble, dans l'émission, il y a quelques numéros, qui est un mélange en fait, qui est de la BD numérique, donc avec une façon de faire défiler les pages, les cases plutôt, et la possibilité de donner des choix, etc. Et là, donc, c'est pour en fait pour faire la publicité de la bande dessinée de Benjamin Reiner qui s'appelle Le Grand Méchant Renard. Benjamin Reiner qui est le réalisateur, enfin co-réalisateur d'Ernest et Célestine. Donc voilà, quelqu'un d'intéressant en fait. Et qui a pour le coup réalisé avec les équipes de Delcourt ce Turbo Média mettant en scène le grand méchant renard qui essaye de voler la poule, enfin de voler des poules dans un poulailler, et qui a beaucoup de difficultés pour y arriver. Et en fait, il y a une partie animation parce que entre chaque case s'anime et fait une animation en fait jusqu'à une conclusion. Et à chaque fois, on a des choix de, par exemple, creuser un tunnel sous la terre dans la terre pour arriver au milieu du poulailler ou passer par les fils électriques en haut, etc. À chaque fois, il y a une série de choix et ça se conclut très généralement par un échec, sauf de temps en temps, avec une séquence particulière de choix. Apparemment, on peut repartir avec une poule. Donc, j'ai pas encore réussi, mais je vais peut-être essayer pas J'ai tard. réussi juste avant l'enregistrement. C'est vrai? Alors juste pour un 10, il faut que tu arrives à avoir un drap, un tonneau et de la dynamite. Si tu arrives à avoir ces trois-là, tu peux D'accord. potentiellement C'est un peu réussir. comme un point and click en fait. En fait, non, c'est un peu comme un film de David Cage, mais en mieux. Oui. Ou Enfin, un alors film, un un livre, jeu, je dirais. lapsus simulateur quand même. Hein. C'est comme le livre dont vous êtes le héros, c'est un peu ça en fait. Ouais. Mais du coup, je me dis, ça serait pas mal en jeu, ce genre de choses, Ouais, c'est vrai. un peu à la The Walking Dead ou Wolf Among Us. Mais du coup, voilà, non, c'est très très joli. Il y a le design façon Ernest et Célestine, mais là avec un renard qui est magnifique. C'est très bien animé et c'est très plaisant à regarder et à jouer. Donc vraiment un bel outil promotionnel et un bel ouvrage tout court. On va très bien. Parfait. Eh bien, voilà pour cette émission, cette première émission de 2015. Et puis, on vous dit à rendez-vous pour la prochaine. On aura encore plein de choses à vous dire au sujet de l'animation, aussi bien au cinéma qu'à la télévision ou via, comment tu appelles le format déjà? Le Turbo Média. Le turbo-média. Tu vois, donc, à la classe comme ça. Le turbo-média. Bonne soirée, bonne journée. À vous tous, quel que soit le moment que vous écoutez ce podcast. À bientôt. Salut. Salut. Et vive Astérix. C'est faux. C'est faux, ce serait coupé au montage, de toute façon, ce serait faux. Oh Le non. coupage sera, le montage sera coupé. Mais c'est Toutoun qui le fera, donc je sais pas s'il le fera vraiment. Je sais pas. Ça dépend quand est-ce que tu comptes t'arrêter.